to their disgrace since he's been here. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, dear sadness. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, dear sadness. Only sadness. Houses burnt beyond repair, the smell of death is in the air. A woman weeping in despair says he has been here. Tracer lighting up the sky, it's another family's turn to die. A child afraid to even cry out says he has been here. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, only sadness. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, only sadness. There are children standing here, arms outstretched into the sky, but no one asks the question why he has been here. All men knew to accept their fate, wives and daughters cut and raped. A generation drenched in hate says he has been here. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, only sadness. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore. Merci de votre fidélité à la première. C'est l'heure du journal. Il est 10h. Une autre dame à suivre s'appelle Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Un plateau bleu-blanc-rouge, 7 pupitres en bois et la clim à 19 degrés. C'est un débat réglé au millimètre qui va avoir lieu ce soir. Première confrontation entre les candidats de la primaire à droite. École, collège, lycée, université, tous les établissements scolaires sont fermés aujourd'hui dans l'Hérault. Météo France prévoit des pluies exceptionnelles. Une grève chez l'opérateur SFR pour dénoncer les suppressions de postes et dernier coup de bambou pour les salariés. Le déménagement du siège inauguré il y a seulement 3 ans. Donald Trump face à un nouveau scandale. Plusieurs femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Le milliardaire dément. France Info. Après des semaines de campagne, chacun dans son coin, voilà enfin la première confrontation entre les 7 candidats de la primaire à droite. Premier débat ce soir pour ces prétendants à l'Élysée. Ils vont répondre à une quinzaine de questions. Ils auront 60 secondes par réponse, plus l'intro et la conclusion. Le compte est bon, ça nous fait 17 minutes par candidat. Il y aura d'ailleurs un chronomètre sur chaque pupitre. Et d'Alain Juppé à Jean-Frédéric Poisson, les enjeux ne sont pas les mêmes, Yannick Falt. Pour le favori des sondages, c'est surtout ne pas bouger. On n'a pas grand-chose à gagner, reconnaît un proche d'Alain Juppé. Le risque est donc plutôt de perdre des points. La hantise de l'équipe, un coup de sang, une mauvaise formule, une mimique désastreuse en termes d'image. Le débat, on n'en attend pas grand-chose, abonde un sarkozyste. Tout le monde va être englué. Ce sera un gloubi-boulga. L'ancien chef de l'État veut juste faire passer un message. Avec moi, c'est la vraie alternance. Oui, il y a un problème avec l'islam. Non, l'identité heureuse n'est pas la solution. Les autres candidats, eux, seront morts de faim. La formule est d'un juppéiste, car eux ont tout à gagner à être mieux identifiés. François Fillon, c'est la rupture économique. Bruno Le Maire, le renouveau. Nathalie Kosciusko-Morizet, la modernité, tendance libérale et écolo. Jean-Frédéric Poisson cherchera lui surtout à se faire connaître. Quant à Jean-François Copé, tout le monde le qualifie de grenade dégoupillée sur fond d'affaires Big Malion. Il va être violent, prévient un sarkozyste. Il n'a qu'un objectif, se payer Sarko. Début de ce débat à 21h sur TF1 et juste après à 23h. Gros débrief à suivre sur France Info avec notamment Yaël Gauz et tout notre service politique et Jean-Michel Apathy. Et de quoi vont-ils parler, ces 7 candidats? Sans doute d'identité, c'est l'un des sujets qu'ils abordent le plus. Et pourtant, ce n'est pas ce qui intéresse en priorité les Français. D'après un sondage Odoxa pour France Info, 4% seulement des personnes interrogées veulent que le sujet soit abordé. Le thème numéro 1 et de loin, c'est l'emploi. Ils sont 41% à le réclamer. Viennent ensuite le terrorisme, l'immigration et le pouvoir d'achat. Une enquête réalisée auprès d'un millier de Français interrogés par Internet hier et avant-hier. Des pluies exceptionnelles attendues aujourd'hui et demain matin dans l'Hérault. C'est un épisode cévenol d'une rare intensité que prévoit Météo France. Il va tomber en 36 heures, l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie. Le département est en alerte orange. L'Aude aussi à cause des risques d'inondation et les Bouches-du-Rhône à cause du vent. Stéphanie Glézis, bonjour. Vous êtes en direct de Montpellier et déjà des conséquences ce matin de ces pluies. Oui, les premières conséquences de ces pluies, ce sont des routes fermées, notamment la départementale 61 et 18 dans l'Hérault, du côté de Marseillan et Florensac. Les pluies touchent essentiellement les 15 km de la bande littorale du côté de l'étang de Thau, par exemple. C'est à Narbonne, dans l'Aude, qu'il y a eu pour l'instant le plus de pluie cette nuit, avec 80 mm d'eau par endroit et par mètre carré. Sur le littoral, ce qui inquiète Météo France, ce sont des vents violents venus de la mer qui vont faire monter le niveau des océans. Le niveau de la mer est empêché par endroit l'écoulement normal des fleuves. Ce sera notamment le cas du côté d'Aubagne, avec des vents compris entre 80 et 110 km/h. Déjà, certaines avenues de Montpellier sont bien douchées, avec par exemple celle proche de l'Arena, la grande salle de spectacle de Montpellier, où le concert des Red Hot Chili Peppers, qui devait drainer 13 000 spectateurs ce soir, a été annulé. De nombreux équipements municipaux ou éducatifs sont d'ailleurs fermés. C'est le cas à Montpellier des crèches et haltes-garderies, des parcs et jardins, des marchés. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les équipements municipaux du côté de Béziers. Quant aux universités Montpellier-Rennes, il y a au moins 2 universités fermées, lettres et sciences, sans oublier pour l'ensemble de l'Hérault les écoles, collèges et lycées, avec des transports scolaires qui sont supprimés. L'idée des pouvoirs publics est vraiment d'éviter aujourd'hui tout déplacement inutile sur la zone des intempéries. Stéphanie Glézis en direct de Montpellier pour France Info. Des débordements sont à craindre également dans le Gard, le département voisin. Il n'y a pas de transport scolaire aujourd'hui dans l'ouest du Gard, mais les écoles restent ouvertes. Un homme arrêté hier soir à Nice pour avoir tiré dans la rue, puis sur les policiers venus l'interpeller. Les agents ont réussi à le maîtriser sans le blesser. Ils se sont alors rendus compte que l'arme du tireur était un pistolet à gaz, donc non létal. Ils ont aussi découvert que l'homme était totalement ivre. Les salariés SFR appelés à faire grève aujourd'hui pour protester contre la baisse des effectifs et les fermetures de boutiques. Le groupe de télécom a annoncé cet été la suppression de 4 à 5 000 postes. L'opérateur envisage aussi de quitter son siège de Saint-Denis, un immense site inauguré il y a seulement 3 ans. Cette hypothèse apparaît dans une note interne que vous vous êtes procurée, Rémi Brancato. Ce sont quelques lignes à la fin d'un document de 70 pages de projet communiqué au syndicat fin septembre. D'abord sur les 7000 salariés de Saint-Denis, 150 partiraient à Champs-sur-Marne, c'est le service client. Pour les autres, ce serait Ballard au sud de Paris d'ici 2 ans, alors que l'installation à Saint-Denis, c'était il y a 3 ans, rappelle Mathieu Claudet, délégué CGT. J'ai quelques collègues qui ont investi dans un logement sur Saint-Denis et d'apprendre du jour au lendemain que derrière, on va devoir au bout de 3 ans seulement déménager. C'est effectivement une stratégie qui nous échappe. Le nouveau site serait 2 fois plus petit. Alors pour Frédéric Langlois de la CFE-CGC, la stratégie, c'est celle du plan de départ. C'est une manière d'inciter les salariés à quitter l'entreprise. Un message en quelque sorte pour leur dire il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. La direction répond que rien n'est acté, mais à Saint-Denis, le conseil municipal a demandé des éclaircissements. Pas de réponse, regrette Stéphane Peu, l'adjoint à l'urbanisme. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ces entreprises qui sont hors sol. Elles n'ont pas de ville, elles n'ont même plus de nation. Elles se soumettent à aucune règle, ne serait-ce que de bienséance. Et si SFR veut partir, il faudra trouver un remplaçant. L'allocation en cours serait prévue pour durer jusqu'en 2024. À Saint-Denis, Rémi Brancato, France Bleu pour France Info. Le scandale des assurances obsèques, 20% des sommes épargnées ne sont pas reversées aux héritiers au moment du décès. C'est une révélation de 60 millions de consommateurs. France Info, il est 8h presque 7. Quand il n'y en a plus, il y en a encore des révélations sur Donald Trump. Et ça concerne une fois de plus les femmes. Le candidat républicain à la Maison-Blanche est accusé d'attouchement sexuel. 6 femmes témoignent dans plusieurs médias, dont 2 dans le New York Times. À Washington, Frédéric Carbone. Jessica Leeds a 74 ans et des cheveux blancs et elle n'a jamais oublié sa seule rencontre avec Donald Trump en 1980. C'était dans un avion, elle voyageait pour son travail et elle s'est trouvée à côté de lui parce qu'on lui a proposé une place libre en première classe. Elle raconte qu'ils ont parlé, plaisanté, mangé et puis au bout de trois quarts d'heure, il n'y avait plus d'accoudoir entre leurs sièges. It was a real shock. Ce fut un vrai choc quand tout d'un coup ses mains se baladaient sur tout mon corps. C'était comme une pieuvre, comme s'il avait six bras. Quand il a commencé à mettre sa main sur ma jupe, c'en était trop, fallait que ça cesse. I was out of there. Jessica Leeds ne se souvient pas d'avoir dit un mot. Elle est retournée à sa place de seconde et elle explique qu'à l'époque, une forme de pression sociale faisait qu'une femme pouvait se sentir responsable du comportement des hommes. Ce n'est que l'an dernier, quand Donald Trump s'est présenté, qu'elle en a parlé à quelques amis, puis elle a contacté le New York Times après le débat et les dénégations du candidat. Partager son histoire, explique-t-elle, fera peut-être changer les choses et ouvrira les yeux sur ce genre d'agression sexuelle. Je veux croire que j'aurais eu ma part dans cette évolution, conclut cette dame à la retraite. C'est exactement ce que sont venues dire des manifestantes à New York devant la tour Trump. Elles n'ont pas été agressées par le candidat, mais c'est là qu'elles ont choisi de se rassembler. Washington, Frédéric Arbonne, France Info. En Allemagne, le réfugié syrien arrêté pour soupçon de terrorisme s'est suicidé. Il s'est donné la mort dans la prison de Leipzig. La police l'avait arrêté il y a deux jours après avoir découvert des explosifs dans un logement qu'il occupait. Le prix Nobel de littérature va être décerné à 13h. C'est le Nobel qui réussit le mieux aux Français. 15 lauréats de Sully Prudhomme en 1901 à Patrick Modiano en 2014. Autre récompense de prestige pour un écrivain, intégré la Pléiade. L'américain Jack London, auteur de Cro-Blanc, fait son entrée aujourd'hui dans cette luxueuse collection. Ça peut faire une idée de cadeau pour Noël. Notez d'ailleurs que la SNCF a ouvert ce matin la vente des billets de train pour les vacances de fin d'année. Merci beaucoup Mathilde Munoz sur France Info. L'œil sur... Et il est 10h09 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Aujourd'hui dans le ciel de la Réunion, il vient du soleil, certes, mais aussi des nuages qui se développent assez rapidement. Le ciel va devenir du coup assez nuageux le long des pentes du sud, du nord et du nord-est. Et puis avec le début de l'après-midi, les nuages vont gagner. L'ensemble des hauts de faibles précipitations seront possibles autour du volcan ainsi que sur les pentes de l'ouest, du sud et du nord. Et au-dessus de 1000 mètres, eh bien, les sommets seront dégagés, bien ensoleillés. Du coup, avec cette couverture nuageuse qui est assez dense et qui est présente ce jeudi, eh bien, les températures maxi seront plus basses que la veille, qu'hier, mais resteront dans les normales saisonnières, à savoir 20 degrés du côté du volcan, 22 à 23 dans les cirques, 25 à 26 le long du littoral ouest et 27 à 28 sur la côte est. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. À Mitterfist, votre quintet hier se courait à Enghien. Pour gagner, il fallait jouer l'As, le 6, le 7, le 5 et le 16. As, 6, 7, 5, 16. Cet après-midi, nouveau quintet, cette fois-ci sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Le prix de la Fédération du Centre-Est, 16 partants, 3150 mètres à parcourir. 1 million d'euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur, du gire, partenaire Réunion Première. Qui vous conseille le 9, le 14, le 15, le 7, le 8, le 5, le 4 et le 2. 9, 14, 15, 7, 8, 5, 4 et 2 pour le quintet de cet après-midi. Départ 15h47, Lyon-Paris, le prix de la Fédération du Centre-Est. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Le Grand Raid, ce sera la semaine prochaine. Une épreuve qui est réservée aux aguerris du sport, une course qui nécessite une longue préparation, tant sur le plan alimentaire, le plan physique. Mais nous, au quotidien, comment est-ce que nous maintenons notre forme? Oui, vous, madame, vous qui vous plaignez de vos hanches un peu trop rondes, ou vous, vous qui avez essayé tous les régimes sur la place pour perdre vos kilos, mais sans résultat durable, ou vous qui voulez aller profiter de la plage, mais qui n'osez pas se mettre en maillot de bain, ou alors vous, monsieur, vous qui voyez votre petit ventre pousser à mesure que le temps passe, cette émission est pour vous. On va vous aider à faire les choses bien. On va accueillir ce matin Fritor Funte, qui est nutritionniste, et Nicolas Ciolone, qui est coach sportif. Alors faire du sport, oui, mais lequel et à quelle fréquence? Comment bien manger? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire bien manger? Pourquoi faire un régime, c'est si dur? Comment perdre du poids et que ça dure toujours? On en parle, 02 62 99 2000, et c'est jusqu'à 11h30 sur la première. 10h midi, les experts, avec Isabelle Waro sur Réunion Première. Et jusqu'à midi également, on ira faire un tour du côté de Sillaos. Bah oui, la fête lentille. C'est Karen, notre envoyée spéciale pour cette émission. Pour participer aux experts, n'oubliez pas, le 99-2000 à votre disposition. Toutes vos questions à notre nutritionniste coach sportif. Il n'y a pas de questions bêtes, profitez-en. Et par SMS 70-2000. A tout de suite. I am top à top. Tout le monde connaît qui ça le top à top. Tellement les siennes à la tête, ils bloquent. Peut-être que tu aimerais que mes azote, mais fais la merde flop azote. Si tu aimes sclaf azote. Zot calcule bon pays, mais one by one, mes pull-up à zot. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime, in a good look. All the time, in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime, in a good look. All the time, in a full for you. Zot TV causé, maintenant zot P causé. Roof. Ferme, bande décédée. Fais le sérieux, mais si m'y donne décédé. La, boost, les décédés. Le monde te cause, mais m'y te connais pas où. Les meilleurs connaissent à où, avant d'essayer jija où. Moi m'y wa ou l'est normal, ma ma y'a loqué. Le monde pour dire que l'est chasse, ma ma y'zot. Zot y jouit, donne mal et à l'autre. Pas normal, si mon bonheur y fait plaire, zot zot. Rodmania pour traîner les gars plus bas que bas. Parce que pour zot m'y les plus haut que haut. Zot méprise plus quand même qu'Obama. En dans la qui c'est un gros Lego. Attends ma fait causette, donne la nourriture et tiens note là. Pense à look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Mi alimente ma fin dit, mi défaille la chronique. Bord et là-bas. Comme si ma vie demande à zot en affaire. Zot série bon comique. À mort mais rigole. Yes I. Mets encore. Mi trouve que la passée donc mi dit mets encore. Fais des autres. Plie fort. Viens bousquer le monde et quand j'vis fort. Yo. Tout le temps pour autre pour gagner le coin. Si moi. Mais moi même ma point. Mi rate pas tout mi trace contour. C'est vrai. Faut m'imagine mon demain. Pas pour ça zot va squat mon terrain. Allez saute. Fous des hors. Passe puis demain. Moi pas bon Dieu, moi existe un homme. Mais allez, qu'il est ma fine mort trois fois. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. I am top à top. Tout le monde connaît qui ça le top à top. Tellement les siennes à la tête y bloquent. Peut-être que tu aimerais que mes azote. Mais fais la merde flop azote. Si tu aimes sclaf azote. Zot calcule bon pays. Mais one by one mes pull up azote. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Caf Malbar, look good sur la première. Aujourd'hui, on va parler de votre santé. Être en forme, bien manger, être en forme et faire du sport. Fridor Funte est avec nous, notre nutritionniste pour tous les conseils. Je vous regarde, Fridor, je me dis que mon petit déjeuner ce matin, ça n'allait pas du tout. On a vraiment besoin de vos conseils. Bonjour Fridor. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Très bien. À vos côtés ? Bah oui, bon. C'est vrai. Tant mieux. Tant mieux. À vos côtés, il y en a un autre qui est en forme lui aussi. En même temps, il est coach sportif. C'est Nicolas Sioulon qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ouais, ça va. Au petit déj ce matin, vous avez pris quoi ? 20 pompes, 12 tractions, à peu près ? C'est pas assez ça. C'est non. Oulalalala. Non, je plaisante. Hein. Comme quoi, on a toujours besoin de conseils. Vous avez envie de savoir eh bien, comment faire pour faire du sport ? Oui. Bien, mais à quelle fréquence, quel sport choisir, comment perdre du poids durablement, pourquoi est-ce que faire un maigrir c'est aussi difficile. Vous aurez tous les conseils avec nous, 99-2000 par SMS, 70-2000, à tout de suite. Grand matin week-end avec Lucas pour un réveil dynamique et dans la bonne humeur. Bonjour Lucas, bonjour Réunion Première. Bien commencer la journée. Bonjour Lucas, bonjour à tous. L'actualité locale et nationale, les pronostics hippiques, vos chroniques sur la vie réunionnaise. Grand matin week-end avec Lucas, samedi et dimanche de 6h à 9h sur Réunion Première. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour à Cilaos. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Et notre envoyée spéciale à Cilaos, c'est Karen. Bonjour Karen. Bonjour Isabelle et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ici, au cœur de Cilaos, pour la 26e édition de la fête lentille, avec une route très très agréable qui vous emmène vers ce petit coin charmant. Les remparts vous ouvrent les bras pour atterrir. Et bien dans ce petit coin super charmant, mais en plus, en fait, plein de choses pour vous. Il y a plein de stands avec plein de produits du terroir, bien sûr. Et à l'honneur, la lentille de Cilaos pour votre plus grand plaisir. Vous savez, ce petit grain qui raffole les papilles dans les assiettes que réunionnais Yann. Et bien, nous, on a les notes aussi. C'est un petit caviar la Réunion. C'est qu'il faut monter dans les hauts pour être appelé dans la fraîcheur. Et bien, il est à l'honneur. Nous va savoir pendant ces deux jours que il est là, et bien, comment il est fabriqué, comment ça se passe la production, les difficultés et bien sûr les avantages de cette production ici à Cilaos, mais nous allons aussi découvrir un petit peu tout ce qui se passe sur les stands avec l'association des producteurs de Cilaos. À moi midi, m'y connais que ça me fait manger, mais ça rôde un bon petit endroit à moi, le petit silence de Cilaos qui vient d'arriver sur cette fête et ma goutte est un peu pousante. En tout cas, l'ambiance ici, les données, il y a déjà plein de gens sur les stands, ça arrive tranquillement mais sûrement. Encore, c'est assez fluide encore, donc profitez pour venir dès maintenant. Et sinon, eh bien, du côté fête foraine, animation, concert, ça se met en place tranquillement, mais sûrement. C'est juste au niveau du stade, hein, on est au centre-ville, hein, c'est basé au centre-ville cette fête de la lentille. Et puis ben, ce soir déjà, plein d'artistes sur scène avec une soirée totalement nostalgique. Allez, je fais le tour de la lentille juste pour vous et je vous donne rendez-vous à 10h45 pour parler de la farine de lentille. Merci Karen, à tout à l'heure avant 11h. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Vous avez envie de vous mettre au sport, vous voulez changer votre façon de manger, parce que vous le voyez bien, côté poids, eh ben c'est pas ça. Nous allons vous aider jusqu'à 11h30 pour répondre à toutes vos questions, parler de forme, de bien-être avec nous. Il y a Fridor Funte qui est nutritionniste et Nicolas Siolon qui est coach sportif. Alors monsieur, si votre petit ventre il pousse, le temps il passe, les autres petits ventes il poussent, mais il faut faire une affaire, mais quoi ? Ça, tu connais pas ? Ben, peut-être que nous connaît ici le coach sportif Léla Poussa. Mesdames, vous aussi, vous avez peut-être déjà essayé tous les régimes. Tous les jours, quand tu regardes, ils sortent un nouveau régime. Vous essayez, ça marche deux jours, et après ça marche plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? 99-2000 pour poser toutes vos questions à nos professionnels du bien-être et de la forme. Fridor Funte. Oui. Tous les jours, il y a un nouveau régime. Tous les jours, il y a du thé pour maigrir. Tous les jours, il y a un nouveau professeur qui a trouvé la solution pour perdre du poids. Et pourtant, oui. Ça n'a pas l'air d'être si simple. Hein. Si, si, si. C'est nous qui compliquons les choses. Il y a une demande. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des solutions à la va-vite qui sont tout le temps proposées. C'est très simple pour ma part. Et ça demande beaucoup de volonté. Beaucoup de détermination, et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il ? De se maîtriser, de maîtriser ses appétits, en particulier alimentaires. Ça paraît effectivement dit comme ça, très simple, mais c'est la réalité. On pourra adopter des solutions aussi modernes soient-elles, on pourra adopter des produits aussi innovants soient-ils, mais tant qu'on n'aura pas cette capacité à maîtriser ses appétits, en particulier alimentaires, ça va être compliqué. Nicolas, vous êtes coach sportif. Les gens qui font appel à vous, aux professionnels du sport que vous êtes, est-ce que d'abord la première raison, c'est parce qu'il y a la volonté de perdre du poids, de maigrir ? Ben, en ce qui me concerne, moi, oui, puisque je me suis spécialisé là-dedans. Après, c'est pas forcément pour ça que les gens, pour ce type d'objectif-là, que les gens font appel à des coachs sportifs. Mais c'est quand même une grosse, grosse demande. Hein, parce qu'il y a à peu près tout le monde qui veut contrôler sa ligne, soit la conserver, ou soit qui veut perdre du poids. Donc, les femmes, particulièrement, ou est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde, homme ou femme, s'intéresse de plus en plus à sa santé, à son corps, son bien-être, être en forme ? Moi, me concernant, j'ai beaucoup de femmes avec moi. Après, je suis absolument persuadé que hommes et femmes, c'est un peu le même combat. Oui. Ouais. Frieder Funte, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut apprendre à se maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'offres alimentaires aujourd'hui. En même temps, on va faire ses courses. Il y a toute qualité gâteau, toute qualité bonbon, toute qualité de nouveautés. Est-ce que il faut savoir dire stop ? Non, j'achète pas, je prends pas. Oui. C'est aussi ça ? Oui, parce que simplement non, ça m'aille à l'offre, mais il y a aussi le pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, s'il y avait l'offre sans pouvoir d'achat, ce qui était le cas par le passé, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, il y a l'offre, d'une part, et d'autre part, on a la capacité d'acquérir cette offre. Donc, le seul élément qui va réguler cette relation qui est favorable à la consommation, c'est notre prise de conscience. Et aussi, il faut le souligner, notre niveau de connaissance. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on n'a pas un minimum de savoir sur aujourd'hui quels sont les réflexes alimentaires qui sont favorables à notre santé, ben effectivement, on aura tendance à faire des erreurs. Et c'est pour ça que, sur ce plan-là, les pouvoirs publics investissent de manière colossale pour informer le public. Mm-hmm. Parce qu'on est persuadé aujourd'hui que si le public sait, c'est la première étape vers le changement. Même si on sait que c'est pas parce qu'on sait qu'on va changer. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, de savoir, c'est déjà, à mon avis, un élément important. Alors Nicolas, vous concernant le sport, on voit aujourd'hui un petit peu partout quand on s'amuse à rouler un peu dans le... On a l'impression que les salles de sport poussent un petit peu comme des champignons un peu partout. Est-ce que s'inscrire en salle, faire du sport en salle, c'est un gage de réussite ou alors tout est d'abord question de motivation, qu'on aille courir sur le front de mer de Saint-Denis ou de Saint-Pierre ou qu'on aille dans une salle de sport? La salle de sport, ça n'est qu'un lieu à l'extérieur, à l'intérieur. L'essentiel, c'est effectivement d'être motivé et de tenir ses motivations surtout. Voilà. Et c'est souvent ça qui peut faire défaut. Oui. Et c'est pour ça souvent que les gens, au lieu de faire de l'activité auto-régulée, vont s'orienter vers des salles, éventuellement, parce que ils peuvent y trouver un peu plus d'encadrement que s'ils y étaient seuls. Frieder Funte, reste assise, ne pas se bouger, ne pas faire de sport. Est-ce que si on a une activité, enfin, on a un équilibre alimentaire satisfaisant, parfait, oui. Le fait d'être sédentaire, est-ce que de toute façon, ça, à un moment donné, ça va poser problème? Ah, complètement. Écoutez, il faut voir l'organisme humain comme tout organisme vivant. Il y a des apports. C'est le but de l'alimentation. Mais ces apports, si à aucun moment ils ne sont dépensés, eh bien c'est comme votre poche. Si vous mettez tout le temps de l'argent dans la poche sans jamais dépenser, ben la poche, à un moment donné, elle va déborder. Oui, sauf que là, vous comprendrez bien que concernant votre image, avoir la poche pleine d'argent, c'est jamais trop un problème. Mais en fait, je force le trait exprès. Juste pour dire que si à un moment donné, le corps a besoin de s'alimenter, cette alimentation qui est une source de calories, en fait, on doit pouvoir, à un moment aussi choisi, un tout petit peu dépenser. Mm-hmm. Je crois qu'on est là dans quelque chose qui est totalement naturel et qui est d'une évidence, on va dire, élémentaire. On ne peut pas simplement consommer sans jamais dépenser. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est vrai pour le corps humain, mais c'est aussi vrai sur le plan matériel. Voilà. C'est pour ça que l'activité physique aujourd'hui est un élément sur lequel on met de plus en plus d'emphase. Parce que simplement, on ne peut pas, le corps ne peut pas accepter d'être tout le temps, on va dire, nourri, sans jamais avoir la possibilité de se dépenser. Les deux vont de pair. Justement, Nicolas, est-ce que vous aussi, vous dites aux personnes qui viennent vous voir, faire du sport, d'accord, mais il faut aussi revoir son alimentation. On ne peut pas se dire, tiens, j'ai mangé un gros sandwich avec plein de viande, plein de fromage, et c'est pas grave, je vais aller faire du sport tout à l'heure. Mais moi, ce que je leur conseille, c'est un petit peu ma manière de voir, mais c'est d'abord de se mettre au sport, effectivement, mais ensuite, surtout, d'équilibrer leur alimentation. Après, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit il y a un instant, le sport, ça ne sert pas qu'à maigrir, oui. Mais il prévient aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies osseuses, donc c'est assez complet comme vertu, et c'est pas uniquement pour perdre du poids, parce que le poids, ce n'est qu'un aspect de la santé. Mmh. Mais ça n'est pas que ça, évidemment. Voilà. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Allez, je vous vois venir derrière votre poste de radio. Vous êtes en train de vous demander, oui, mais d'accord, comment on fait, ceci étant, pour avoir un ventre plat? Est-ce qu'il faut faire de la marche ou du jogging pour maigrir? Est-ce qu'il faut manger de la soupe pour éviter cette espèce d'effet de ballonnement en sortant de table. Bah oui, posez vos questions 02 62 99 2000 par SMS le 70 2000 où il y a Nathalie de Saint-Pierre qui voudrait savoir messieurs, quelle activité sportive pouvez-vous conseiller à une femme qui est enceinte de 5 mois, à partir du principe qu'elle n'a pas de problème de santé du tout, à quelle fréquence pour éviter les kilos en surplus, entre parenthèses les hanches et les jambes, et que pensez-vous de l'aquabike, activité sportive qui se développe également énormément, et puis ça peut faire du bien en ce moment comme il recommence à faire chaud, l'aquabike, qu'en pensez-vous Nicolas? C'est une bonne activité qui va, l'eau va avoir un effet massant. Oui, pareil pour la cellulite, c'est bien ça l'aquabike, non? Oui. Oh, bah, c'est l'activité physique après la cellulite, je pense qu'on peut avec en l'effet parler massage. Ouais. Oui, bon. Il est mort de rire, il dort. Ça va permettre de se tonifier, ça va permettre de brûler des calories, ça enlève un peu de la pesanteur, pour les femmes, super intéressant, et ça a un effet massant aussi, donc relaxant pour la femme enceinte. Donc c'est une bonne activité, c'est un bon choix. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Fridor, en termes d'alimentation pour la femme enceinte de 5 mois, pour éviter d'avoir comme ça cette prise de poids? Les médecins souvent rappellent aux femmes qu'une dizaine de kilos, 8-10 kilos pour la grossesse, mais pas plus. En fait, c'est une moyenne. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est consulter en fait pour qu'on puisse vous dire à partir de votre état nutritionnel en début de grossesse combien de kilos vous pourrez prendre. Ça, on sait le faire aujourd'hui. On peut prédire la prise de poids et à partir de là fixer une ration alimentaire pour qu'on se cale dans les prévisions. Mais ce qui est certain, c'est que l'alimentation de la femme enceinte demande à être adaptée par rapport à sa situation physiologique. Il y a des apports qui doivent être augmentés, parce que simplement, il y a des besoins qui sont plus importants. Je pense notamment au calcium, hein, où on passe de 900 à 1200 mg. Je pense aussi au fer. Voilà, donc il y a des nutriments, aux protéines aussi d'ailleurs, qui doivent augmenter. Mais ça demande quand même, dans la mesure du possible, qu'on se fasse accompagner pour pouvoir être sûr qu'on ne va pas trop manger ou pas assez manger. Le 02 62 99 2000 est à votre disposition. On va aller à Saint-Pierre. Jean-Michel est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Votre émission est très intéressante et j'aurais aimé mettre mon grain de sel, si je puis dire. Mettre Jean-Michel, mettre tout le grain de sel. C'est vrai qu'on parle de forme et de... Et de bien-être. On attend parfois d'être en méforme pour parler de forme. C'est souvent vrai. C'est et pas faux. Donc, moi, en fait, ma réflexion, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 25-30 ans, on a subi ici à La Réunion une malbouffe incontestable. Et le pire est à venir. Le pire pour moi, c'est la génération d'enfants qui vont à l'école et qui ne font plus, pratiquement plus, de sport. Je m'explique. Avant, les gamins partaient à l'école à pied. Oui. C'était déjà une forme de sport. Aujourd'hui, vous avez des embouteillages à tout bout de champ autour des écoles. Où il y a une école, il y a un embouteillage. On n'accepte plus que nos enfants puissent marcher, avoir leur première randonnée en allant à l'école avec les copains. On n'accepte plus ça. On veut absolument que accompagner ou que le gamin à l'école primaire prenne le bus. Or, la carte scolaire est faite de telle façon que vous avez une école dans un périmètre de 3 à 4 km maximum de votre quartier. Oui, mais Jean-Michel, il y a du sport à l'école pour les enfants, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. Il y a même des activités sportives qu'on peut prendre au bac comme option. Mais madame, vous savez très bien qu'il y a effectivement du sport, mais c'est en très petite quantité. Pas assez, vous pensez que c'est pas assez. Ça ne correspond pas aux besoins de l'être humain. Vous savez, vous avez des experts à côté de vous. On sait bien que l'activité physique doit être quotidienne et si c'est pas de la marche, si c'est pas de la randonnée, c'est de un peu de footing, mais c'est une activité physique, c'est aussi de faire du jardinage, enfin, etc. Et l'enfant faisait du sport, l'enfant doit faire du sport naturellement. Sans se poser de questions, comment je vais faire. Il doit marcher. Et moi, je dis, à l'heure d'aujourd'hui, on devrait mettre une prime à l'école, une prime pour les enfants qui viennent à l'école à pied, qui font cet effort-là. On devrait les encourager, on devrait aller dans ce sens-là. Déjà, ça éviterait pas mal de choses. Et le pire, c'est, j'ai pas les statistiques en tête, mais il faut voir le nombre d'enfants déjà en surpoids. Jean-Michel, merci de votre réflexion. On va laisser nos invités bien nous dire ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup. À bientôt sur la première. Frieder Funte, vous concernant, Jean-Michel parlait de cette génération de marmailles qui vont connaître la malbouffe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là encore, il faut savoir dire non. Non, mais je pense surtout que c'est une probabilité. Mais ce n'est pas une certitude. Ouais. Ça veut dire que si on met aujourd'hui, ce qui est fait d'ailleurs dans la plupart des écoles que nous accompagnons, bien sûr, c'est que si on met en place aujourd'hui des activités d'éducation à la nutrition dans les écoles pour justement éduquer nos enfants au goût et à la consommation, on peut éviter effectivement ce qui se profile à l'horizon. Et ce qui est bien en France, c'est que dans les programmes scolaires, très tôt, l'alimentation est au programme. Mmh. Et donc, les choses sont en train d'être mises en place pour que, justement, l'enfant, très tôt, acquiert, vis-à-vis de l'alimentation, un esprit critique qui lui permettra, demain, de faire des choix alimentaires, on va dire, beaucoup plus adaptés que ce que nous faisons aujourd'hui. Et moi, j'ai très bon espoir, parce que on travaille beaucoup avec les écoles, et on voit bien que les équipes pédagogiques sont mobilisées là-dessus, les enfants, c'est des activités qui les intéressent, et je peux vous dire que les enfants, quand ils ont compris, en général, c'est pas comme nous, où on comprend, on fait pas. L'enfant, quand il comprend, il tente de faire. Oui, il comprend, il aime. Et il aime. Facile de l'intéresser. Et donc, c'est pour ça que ce que dit monsieur est vrai. Si les parents démissionnent aujourd'hui, si l'éducation nationale démissionne, oui, le pire peut arriver. Mais d'après ce que je vois sur le terrain, j'ai quand même très bon espoir, parce que il y a qu'à voir, aujourd'hui, on a des écoles à Saint-Denis où la régulation de la collation matinale est en cours. Mm-hmm. Autrement dit, on n'a plus des sandwichs à 9h30, des pains bouchons gratinés dans les cours d'école. Ouais. Ça diminue, mais je peux vous dire de manière intensive, surtout à Saint-Denis. Donc, on est vraiment en marche. Et je peux dire que, sur ce plan-là, nous sommes un territoire qui risque d'être exemplaire au niveau national. Nicolas, est-ce qu'on a perdu le goût de faire du sport ? Est-ce que le sport aujourd'hui... Jean-Michel disait quelque chose de très vrai, c'est on parle de forme quand on se rend compte qu'on n'est déjà pas trop en forme, en fait. Est-ce que vraiment il y a une prise de conscience qu'il faut faire du sport, ou est-ce que quand on arrive à un stade où on commence à être un peu gros, on est fatigué, on a eu des problèmes souvent, on se dit tiens, faudrait peut-être commencer par faire un affaire. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui en ont conscience, qui font de l'activité physique depuis longtemps, et puis il y a des gens effectivement qui attendent qu'il y ait un problème, ou qui sont en méforme, ou qui on leur diagnostique un problème de santé. C'est ça. Et là, il y a la prise de conscience. Tout ça, c'est essentiellement lié à la sédentarité, du fait du rythme de vie qui va de plus en plus vite, le fait qu'on utilise beaucoup les ordinateurs à la maison, qu'on reste beaucoup connecté, qu'on passe beaucoup moins de temps à prendre soin de soi, et voilà, on est beaucoup plus connecté, on veut aller plus vite, on va en voiture, et finalement on est beaucoup plus sédentaire. Il a raison, je faisais le même constat ce matin avec quelqu'un, c'est que les enfants ne vont plus à pied à l'école. Moi, devant l'école de ma fille, je vois les parents, s'ils pouvaient les déposer dans la classe en voiture, ils le feraient. Bon, c'est pas une critique, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est... Voilà. Alors, vous parliez de la réaction de Jean-Michel, une réaction qui, au standard, fait boule de neige. À Saint-Pierre, toujours, Mickaël est avec nous, au 99-2000. Bonjour, Mickaël. Oui, bonjour. Bonjour, les invités. Nous vous écoutons, Mickaël. Ouais, c'est que, comme je dis, moi, je suis sportif. Là, en ce moment, je suis en repos. Mm-hmm. Je participe au Grand Raid. Hein, bon, c'est un fait. Pour vous dire, je côtoie régulièrement les professeurs des écoles. Mm-hmm. Même ils sont fréquemment sur en milieu sportif. Mm-hmm. Ces gens-là avec les enfants scolaires, les écoles primaires. Et mon souci à moi, c'est que... C'est quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement quand les enfants sortent sur le milieu sportif et arrivant à l'école, sur une table d'école, la concentration n'est pas déréglée, l'apprentissage n'est pas déréglé, parce que l'enfant, ils sont excités sur le terrain. Ah. Comment on le rend sage sur une table d'école ? Et vous voyez, c'est dans la politique scolaire maintenant de faire les extrascolaires, de emmener les enfants à l'école. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement ? Est-ce que l'enfant n'est pas assez excité ? Est-ce que l'enfant est vraiment concentré sur son apprentissage scolaire, madame ? Ce que vous voulez dire par là, Mickaël, c'est ce qu'il ne faudrait pas repenser le moment où on fait l'activité physique pour les enfants ? Soit en fin de journée, mais pas avant 2 heures de maths ou après 3 heures de français. Quoi. Voilà ce que je veux dire. Parce que, par exemple, là, on a une équation à résoudre. L'enfant, il est il est excité, il est sur le soleil, il est complètement désordonné. Il y a des règlements, quoi. Mmh. Mais après, il va s'asseoir sur une table pendant quelques heures. Je sais pas. Là, on dit que le sport, c'est une bonne chose. Mmh. Comme on dit que embrasser une femme sur la bouche, on peut pas prendre le sida, mais est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement dans l'apprentissage? Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Oui, va loin, Michael. On va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. On est dans l'intellectuel, là, madame. Mais bien sûr, Michael, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, on rappelle, embrasser quelqu'un sur la bouche, on n'attrape pas le sida. Comme ça, au moins, ça, c'est clair, hein, il n'y a pas de souci. Michael, Fridor ou Nicolas, alors c'est vrai, faire du sport, est-ce que du coup, quand on a fait du sport, on s'est dépensé, on est tout excité, comme disait Michael, est-ce qu'on a du mal après à se concentrer pour quelque chose de plus intellectuel, ou justement, est-ce que le sport va permettre de tout remettre en ordre et on est prêt pour justement une activité plus cérébrale? De quelle façon faut voir les choses? Alors, le sport, ben, c'est un excitant. Pendant qu'on le fait, évidemment, ça va nous exciter. Mais voilà, l'adrénaline, ouais, ça, tout ça à fond. Mais la vérité, c'est qu'à la fin d'une activité sportive, tout enseignant, professeur de sport, éducateur sportif, mais il fait un retour au calme, que ce soit par des étirements, de la respiration. Donc, l'enfant a le temps de s'apaiser, de revenir au calme. Voilà. D'accord. Après, effectivement, s'il fait le sport l'après-midi, après avoir mangé, je pense qu'il aura des difficultés un de concentration, mais... Oui. A priori, si c'est le matin, des choses comme ça, je vois pas de problème à ça. Hein. Fridor ? Mais d'une manière générale, on sait que le sport augmente en fait les performances intellectuelles. Mm-hmm. S'il y a un enseignant qui nous écoute, il peut très bien appeler pour témoigner. Bien parce sûr, que c'est vrai que PS, la question de l'auditeur, en fait, n'est pas une question... c'est très intéressant de savoir est-ce que après l'activité physique, immédiatement, l'enfant augmente la capacité d'apprentissage ou pas. Parce que nous, on sait qu'un bon petit déjeuner favorise l'apprentissage. Ça, on le sait. Oui. Bon, dans la question qui est posée maintenant, c'est est-ce qu'une activité physique dans le temps scolaire, c'est-à-dire dans les horaires en fait convenus, favorise l'apprentissage ou pas? J'aurais bien aimé avoir le témoignage d'un enseignant qui nous écoute pour nous dire lui qui... Parce que souvent, en fait, dans les écoles, ça ne dure pas très longtemps. En tout cas, c'est un quart d'heure, 20 minutes, notamment à maternelle. Mm-hmm. Et est-ce que cette oxygénation... qui est finalement intéressante par rapport au cerveau. Est-ce qu'en classe, après, les enfants sont plus disponibles, plus efficaces, plus vigilants, plus attentifs? Ça peut être intéressant d'avoir le retour d'un prof, d'un enseignant. Nicolas, voilà. Après, il faut savoir que le sport à l'école n'a pas qu'une visée, je dirais, physiologique d'agir sur les performances ou autre. C'est aussi une visée culturelle, une visée motrice, développer l'enfant au niveau moteur, au niveau culturel de sa connaissance des activités. On parlait justement l'enfant de dans son... l'espace aussi, ça permet aussi à des enfants, quand ils sont petits en maternelle, c'est important, hein, sauter, se tourner quand on saute, tout ça, c'est important aussi pour les marmailles. Hein. Il y a un mouvement de musculaire, c'est une activité physique, parce qu'il y a une dépense. Il y a une dépense. Dès l'instant qu'ils vont se déplacer physiquement, ils vont se dépenser sur le plan énergétique. Et cette dépense-là, est-ce qu'elle a un impact, en fait? Mais c'est vrai que le sport aussi, à l'école, c'est tout ça, en fait. On parlait d'éducation future, le fait de sensibiliser à l'activité sportive. Très tôt. C'est un moyen de lutter contre la sédentarité plus tard. Exactement. C'est ça. Et c'est surtout, le plus tôt possible, faire comprendre aux enfants que se bouger, c'est vachement chouette. Ça peut être très, très drôle. Et après, faire en sorte que l'activité sportive reste dans son emploi du temps toute sa vie. Dans c'est important. Exactement. L'école, l'enseignant à l'école au niveau du sport, il a un lien vers l'extérieur, les associations, les salles de sport, et c'est lui qui va créer ça chez l'enfant. Allez, on parle bien-être, forme, sport et alimentation avec notre nutritionniste Fridor Funte et le coach sportif Nicolas Ciolon qui est avec nous, 02 62 99 2000. On revient juste après Bruno Mars. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters, a sky full of lighters. By the time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, had a dream, I was king, I woke up, still king. This rap king's nibble is mine for the milk king. Till nobody else even f***ing feels me, till it kills me. I swear to God I'll be the f***ing illest in this music. There is or there ever will be, disagree, feel free. But from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses, excuse me if my head is too big for this building. thing, and pardon me if I'm a cocky, but you a slick popping on how you flipped your life around. Crockers, who you trying to kid? Flip, you did opposite, you stay the same. Back with this tilt, you. I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall sat flustered, lackluster, cause he couldn't cut mustard, muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing, woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it, wasn't cause he had buzzard circle around his head, waiting for him to drop dead, was it, or was it cause them just wrote him off, little hussy ass cousins, I guess it doesn't matter now, does it, what difference it make, what's it take, to get it through your thick skulls at this day, some bullshit people don't usually come back this way, from a place that was dark as I was in just to get to this place, now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage, and let it be known that from this day forward I wanna just say thanks, cause your hate is what gave me the strength, so let them pics raise, cause I came in 5'9", but I feel like I'm 6'8". This one's for you and me, living out our dreams, we're all right where we should be, with my arms out. A sky full of lighters, a sky full of lighters. By the time you hear this, I'll probably already be outie. I advance like going from toting. I am going and buying 4 or 5 of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you're going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit on me on your way up. It's about to be a scary drop, cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have the cat to get the. Now I'm just to cast me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catch weight, like Pacquiao. Y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a die. And y'all just gossiping like on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I. Bruno Mars sur la première. On continue de parler de bien-être, de sport, d'alimentation, d'équilibre alimentaire. Dans un instant, on sera avec Marie de Saint-Gilles, qui a une question qui va intéresser beaucoup de femmes. Il s'agit de la fameuse culotte de cheval. À tout de suite. Culture première, Jean-Paul Mélade. La place de la femme dans les contes créoles. Si ça t'y trouve, mon lémé, Cossa, zot les podialis. Toutes histoires, Nena, La Réunion, Maurice, Seychelles, Comor, Mayotte. On a de plus en plus de monde raconte l'histoire, La Réunion. La programmation au bambou et de celle de la Cité des Arts. Bienvenue dans ce magazine culturel. Culture première, tous les jeudis à 18h15 sur Réunion Première. Mais d'abord, on va faire un tour à Sillaos avec Karen. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Sillaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Alors Karen, où est dans la fête? Ah oui, dans l'ambiance, c'est la communion baptême, non, dans la fête lentille. La lentille est reine de cette fête ici à Sillaos, donc qui est Sillaos. Et là Isabelle, est-ce que les gourmands... Ah non, c'est d'Orphène, c'est là. Mais fais attention à ce qu'il me dit alors. Alors, on va parler de farine. Ça se passe bien dans l'alimentation. Et on est avec Hervé Ménard. Bonjour. Bonjour. Vous l'êtes bien, mais les bien, mais assis. Tout est bien, merci. Alors, Aou présente à nous ce stand, la farine de lentilles. Raconte-nous un petit coup l'histoire de la farine de lentilles, va. Ah, bah, la petite farine de lentilles, elle fait, moi, je suis meunier, c'est la petite farine de lentilles pour donner aux gens l'envie de goûter autrement la lentille que dans une grosse marmite carré feu de bois, quoi. Et là, nous peut faire aussi bien la cuisine salée, mais nous fait aussi la cuisine sucrée. Mais c'est quoi la donne à où, enfin, je sais pas, nous, pas encore entendre la farine de lentilles, c'est quoi la donne à où envie de tenter la farine de lentilles? Oh, l'histoire est marrante, c'est que moi, j'avais du monde à la case, la madame était enceinte jusqu'aux yeux, et le soir, 10h, elle voulait faire une crêpe. Et comme j'avais point de farine, j'avais eu mon lentille devant moi, m'a vu mon pilon, m'a pile la lentille, m'a fait la farine avec, m'a fait la crêpe avec, et ben là, elle a gagné pour manger. C'était bon. Et c'était excellent. Quoi, sérieux, là, comme ça, tu as inventé. Oui. Et après, ben, on m'a remarqué qu'on était tout seul ici à La Réunion pour faire. Et en métropole, il y a juste Anne qui fait, mais il n'a pas bon peu. Et voilà, et au moins, on a pris l'habitude. Et naturellement, on n'a pas de gluten. Donc, c'est le petit plus pour que les gens qui mangent sans gluten, ils puissent manger différemment. Mais aussi pour le goût. Quand on mange un bon petit gâteau à la farine lentille, où ça goûtait tout à l'heure, on va voir ça. Mais bon. Alors moi, oui, parce que là, on prend un cake à la farine de lentilles, donc mais ça a goûté plus des autres, ça. Mais est-ce que ça, il change? Est-ce que Nina, le goût, il change vraiment par rapport à la farine que nous utilisons généralement? Le goût, il change un petit peu, mais pas tout de suite. Quand il mange, il est bon, on a un petit goût différent, mais seulement après 2-3 minutes après, le petit goût lentille arrive au fond de la bouche, mais léger. Si on ne dit pas rien, les gens, ils... Et si on nous dit avant, les gens, tout de suite, avant de manger, on a le goût lentille dans la bouche, et ils n'aiment pas. Mais si on ne dit pas rien, ils mangent, et ils trouvent que c'est excellent. Et puis, bah, nous pouvons faire crème pâtissière, on peut faire une petite béchamel, on peut faire plein de choses avec. Comme la farine que l'on utilise généralement, sauf que c'est lentille celle-là. Et on utilise surtout beaucoup moins, parce que comme lentille, comme il gonfle dans de l'eau, ben là quand on met de l'eau, ben, il gonfle et il utilise deux fois moins qu'une farine normale. Alors sans gluten, et en plus que ça, il est économique. Économique, et en plus, ben, elle est bon pour la santé, parce qu'elle a plein de fer, elle a plein de choses comme ça. Là, en ce moment, avec le grand raid qui démarre, là, il y a au moins un bon peu de trailer qui achète la farine pour faire des bons steaks. Parce que comme ça, ils mangent un affaire qui est plein de protéines, consistant, et il n'a pas d'acidité pour l'estomac. Et comme ça, ils peuvent partir pour courir avec ça, et il est excellent. Super, ça c'est sur le stand de Hervé Bénard que je te retrouve Ali, ici, au cœur de Sillaos, et bien dans la partie terroir, hein, produit du terroir de cette fête de la lentille. Je te retrouve de la farine de lentille de Sillaos, farine de lentille classique, farine de riz blanc bio, farine de riz complet bio. En tout cas, il y a plein de choses d'autres. Farine 974, viens voir Ali sur son stand, ici dans Kia Sillaos. Merci Karen, à tout à l'heure après 11h. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Sillaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Faire du sport, oui, mais à quelle fréquence? Qu'est-ce que ça veut dire bien mieux manger? Pourquoi faire un régime, c'est aussi difficile? Comment perdre du poids au niveau des hanches? 02 62 99 2000 par SMS 70 2000, on va aller faire un tour. À Saint-Gilles, il y a Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie, vous avez un problème qu'un tas de forme Nena aussi? Ah oui, oh là c'est pas mes causes, pas mes causes pour autres. Allez, ben causez ma fille, causez, passez à bout tout le monde. Parce que la mienne commence la mienne, donc du coup, j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'enlever. Parce que ma partie va le médecin, elle m'a pas comme ça, ça y est, pas enlevé comme ça. Ou parle-nous de la culotte de cheval, Marie. Hein? Ah, même. Voilà. Elle m'a partie va le médecin, et elle m'a comme ça. Bon, bah, même s'il m'y fait la liposition, ça va revenir de toute façon. Pourquoi? Donc, on en a une bonne culotte de cheval ou il commence non, seulement à pousser? Pas, c'est pas gros, mais connais les dés, quand les femmes voient dans le miroir, là, il va s'aller, il y a mais elle est salée. Ou les complexer quand on met un pantalon, voilà, par exemple. Là, il est complexé, quand il baille automatiquement, il va devant haut, donc. Vous connaissez les femmes comment elle est? Ah ben oui, ma fille. Oui, à peu près. Donc, ça, il est votre question, Marie. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir quel genre de sport on peut faire pour ça, et est-ce qu'il y a un régime spécial pour les culottes de cheval? Alors, on va commencer par l'aspect sportif de la chose. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Marie de Saint-Gilles, bah, qui nous dit, voilà, la culotte de cheval, ça se voit bien. Au niveau du pantalon, bah, elle aime moyen. Et on va éviter de passer par la case chirurgie esthétique tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Marie? Bah alors, comme tout programme, je dirais, de perte de graisse, que ce soit localisé au niveau du ventre, des hanches ou... Comme tout programme de perte de graisse, que ce soit localisé au niveau des hanches ou du ventre, bah, il va falloir compiler des activités, 2 à 3 fois des activités cardiovasculaires, donc qui vont bien stimuler l'appareil cardio-respiratoire. C'est-à-dire pour faire transpirer? Pas forcément. Pour accélérer un peu la fréquence cardiaque et la circulation sanguine, on va dire. Donc là, on parle de quoi comme activité, par exemple? Allez, je vais du vélo par exemple, mais vélo. Ouais, vélo, par exemple. On a un vélo de maison là. Voilà. C'est bon de faire ça? Oui, alors c'est bon. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas partir sur des efforts longs et continus, 1 heure, 2 heures, mais plutôt partir sur des efforts un peu plus courts, en mettant un peu plus d'intensité dans l'effort. Mais parce que m'en a commencé à faire, oui. Et m'en avait l'impression justement qu'il musclait la cuisse, mmh. Et donc au niveau visibilité, on va dire encore plus encore. Donc on lui faisait 20 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, quand vous allez faire du sport, et en plus, si vous y ajoutez du renforcement musculaire, forcément, vous allez vous tonifier, mais ça va aussi permettre de beaucoup mieux drainer, donc vous aurez des muscles plus toniques et moins de graisse. Donc, ça reste intéressant au début. Ah, donc il aurait fallu continuer, en fait. Bien sûr, c'était, vous étiez parti bien comme il fallait, Marie. On m'avait arrêté parce qu'on m'avait peur, justement, mais c'était peut-être pas tellement joli. Moi, on arrive sur la fréquence 2,5, 3 même. Et du coup, il dit, t'es bien parti, quoi. Oui. Et même mon beau-frère qui arrive, demain, comme ça, vous n'arrivez, j'ai droit déjà. Et vous en faisiez combien de temps? En 20 minutes, mais je faisais tous les jours 20 minutes. Tous les jours 20 minutes et vous mettiez un petit peu d'intensité? Oui, jusqu'à 3. Donc, automatiquement, ma téléphone arrive jusqu'à 3. Et mon beau-frère, lui, demain, il ne faisait pas à 3 parce que 3, c'était trop dur, voilà. Et moi, ma téléphone arrive à 3. Alors? Non, mais vous pouvez, la résistance, vous pouvez l'augmenter. Après, tant que vous mettez un petit peu d'intensité et que vous sentez qu'au niveau cardiaque, ça vous stimule, c'est intéressant. Mais ça, c'est 2-3 fois dans la semaine. Et après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y associer des exercices de renforcement musculaire. D'accord. Pareil, au moins une à deux fois par semaine. C'est quoi le truc? C'est un petit peu plus complexe, mais des exercices pour le bas du corps. Parce que moi, on a une planche abdos. Alors, les abdominaux... Les planches de musculation, plutôt. Musculation. Oui. Ah. Les musculations. Une planche de musculation? Oui, là, c'est qui allonge ici pour faire... Oui, d'accord. C'est surtout pour faire des abdominaux, là. Alors, non, il faudrait faire des exercices qui vont solliciter toutes les articulations, enfin, plusieurs articulations au niveau du corps, pas uniquement un endroit spécifique. Parce que ça va vous permettre de vous tonifier sur un endroit, mais pas de perdre les graisses. Hein. Voilà, c'est ce que vous voulez, a priori, perdre les graisses. Bah oui, perdre ce qui est dans la cuisse, au moins. Bon, alors merci. Ça, c'est au niveau physique, mais évidemment, il faut associer la nutrition et la gestion du stress. Bon, déjà, commence par reprendre vélo, là, 20 minutes, là, comme Oud Beaufray l'a dit, à Oud 3, elle est déjà bien. En mettant un peu d'intensité. Donne paquet, envoyé, et tiens-nous au courant, les bons. Mais par contre, il peut rajouter quelque chose. Oui. Pour la farine de lentilles, là. Pour une fois que tu as fait quelque chose, c'est bien. C'est bien. Le compte en polyvalent, bon. Et continue comme ça, même. Merci. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Il y a Saint-Pierre. Vanessa est avec nous. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée, Vanessa? Je désespère pour mon joli ventre. Oh, ma chérie, faut pas. Quoi l'unana se vante, Vanessa? Ça descend pas du tout, au contraire, il veut regarder maman et je veux plus la regarder. Oh, le ventre est mou, c'est mou là. Ouais, c'est mou, j'ai perdu ailleurs, il n'y a pas eu de souci. J'ai revu mon alimentation, j'ai commencé à refaire du sport. C'est bien. Mais ça part pas, c'est... C'est mou. Voilà. C'est mou ou c'est un peu gros? C'est quoi le truc? C'est mou. Ouais. C'est mou. On sent que quand on passe la main sur le ventre, eh ben, ça peut être plein, mais ça part pas. Ça pourrait, mais c'est pas. C'est voilà. ce qu'on peut dire, Nicolas. Pour vous, c'est de la graisse ou c'est de la peau en excédent? C'est de la peau, plus. Ah, vous avez perdu beaucoup de poids à cet endroit-là? Quand même. Voilà, non, au niveau du corps, partout. Entièrement. Voilà. Une dizaine quand même. D'accord. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Vanessa? Et je voulais juste poser une question parce que j'ai quand même, il y a 4 ans, j'ai eu mon enfant et donc j'ai subi une césarienne. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Alors, messieurs, qui peut apporter un début d'élément de réponse à Vanessa? Sa question, c'est par rapport au ventre, c'est son ça? Son ventre, et ouais. La question qui se pose, c'est est-ce que la césarienne peut expliquer que son ventre soit mou, c'est voilà, ça? Voilà, c'est tout mou, c'est un peu distendu, quoi, voilà. Je pense que c'est... Est-ce qu'avant la césarienne, son ventre était beaucoup plus ferme? Oui, largement oui. Donc peut-être qu'il faut peut-être une rééducation à ce moment-là, peut-être une rééducation au niveau abdominal, en fait, pourrait renforcer la gaine et lui redonner une certaine tonicité. D'accord. Voilà. Nicolas, renforcer la gaine abdominale, est-ce que ça peut ensuite avoir des effets visibles sur la peau du ventre? Si c'est de l'excédent de peau, non, pas forcément, mais parce que quand vous faites les abdominaux, ça va se tonifier, voire même des fois, ça va prendre du volume. Parce que les abdominaux, c'est comme si on en fait beaucoup, à un moment donné, ça prend du volume. Ils sortent. Oui, enfin, voilà, ils deviennent... Ça se développe. Tablette, quoi. Ça se développe. Ça se développe. Voilà, c'est ça. Si c'est de l'excédent de peau, on n'est pas dans le cadre d'une perte de graisse. Par contre, si c'est de l'excédent de graisse, il faut continuer à persévérer, faire de l'activité physique, continuer sur garder un bon équilibre alimentaire, je pense, et surtout peut-être voir s'il y a matière à jouer sur les calories ingérées. C'est bien ça ? Moi, je pense plus que c'est puisqu'elle a perdu 10 kilos en fait. Donc elle sait maigrir, ça. Bah, voilà, à mon avis, elle a tout bien compris déjà. Mais je pense que c'est serait plutôt une activité à ce moment-là localisée qui viendrait renforcer la tonicité et la fermeté de cet endroit-là, en fait. Bon, parce que si jamais au niveau alimentaire, on continue à contrôler, on pourrait une perte de poids excessive. Et là, ça peut être vraiment beaucoup plus catastrophique. Nicolas. Comme je le disais, si c'est au niveau de l'activité physique, mettre un peu plus d'intensité dans l'activité physique pour brûler un peu plus de calories. Ça, c'est prouvé, c'est super efficace. Déjà, les dieux, bah oui, ma fille, s'il était facile, nous t'es gagné une ferme. Faut se faire coacher. Quand vous faites coacher, vous sortez de votre zone de confort. C'est quelque chose qu'on a prouvé. Plus vous mettez d'intensité dans l'effort, plus vous brûlez de calories pendant et après l'effort. Et ça, si on est dans le cas d'une perte de graisse, après, si c'est effectivement un problème au niveau abdominal, peut-être de la rééducation dans un premier temps. Parce qu'effectivement, ça s'ouvre, ça s'écarte, je pense. Vanessa, tiens bon ensemble. Continuez. On m'a conseillé du charbon végétal. C'est pas la digestion. Pour la digestion ? Ça, c'est la digestion, le charbon végétal. Pour le ventre. Mais c'est pour faire dégonfler, c'est toujours le même truc. Hein. D'accord. Donc, il n'y a rien à voir. Vous avez le ventre gonflé ou vous avez la peau qui. Non, c'est ma peau. D'accord. Ouais, c'est la peau. Ouais. Non, je crois qu'une rééducation peut aider, je pense. Merci Vanessa de votre appel, bon courage. Bonne journée. À bientôt. On continue avec vos appels juste après le journal de France Info. On parle sport, bien-être, alimentation, équilibre, petit ou gros ventre mou, il n'y a pas de problème. 99 2000, à tout de suite. Ça vient toujours après l'effort, quand tu te donnes à fond pour une cause, on te casse le dos. En face, tout le monde te sourit. Déjà, ça laisse place à l'hypocrisie. On te casse le dos. On te casse le dos. Pour te descendre, ça tape, tape, tape. Sur le clavier, merde d'aujourd'hui, ça fait mal comme des coups de batte, batte, batte. Dans la mêlée, force tes appuis, te trompe pas d'amis. Black, black, black. Comme un fêlé, allez-y, fermez-moi la porte. Apparemment, plus rien n'est important. Ce ne sont pas des paroles qui vont me stopper. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à. Je reste calme, même si certains veulent que je rame dans mes erreurs, mais je suis très loin d'être rageux. Je suis comme une poussière, je me laisse emporter par ce souffle, cette lumière qui m'éclaire dans le noir. Je marche, je cours, je respire loin des regards. Je fais ce que je veux, le mal ne m'atteint pas. Danse, chante, fly et fais comme moi. Tu verras de la force face au miroir. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à parler, moi je m'en balle. Continuez à. C'est l'heure du journal sur la première, il est 11h. Et l'info, c'est avec Jean-Christophe Martin, bonjour. Bonjour Mélodie, bonjour à tous. L'essence, comme le diesel, pour les entreprises. Ségolène Royal annonce l'alignement de la fiscalité, on va l'entendre. Le Sud-Est se prépare pour le déluge, spécialement dans l'Hérault, mais l'Aude et les Bouches-du-Rhône sont aussi en état d'alerte. Le point à Montpellier dans un instant. Le jeu des 7 familles à la télé ce soir pour le premier débat de la primaire à droite. Et un message pour les candidats, parlez-nous chômage s'il vous plaît, surtout pas identité, c'est ce qui ressort du sondage Odoxa pour France Info, on va y revenir en détail. Une mise en garde aussi dans l'actualité, les assurances obsèques dans le collimateur de l'association 60 millions de consommateurs, on va voir pourquoi. France Info. Du nouveau donc pour la fiscalité des carburants. Et ça concerne les entreprises. L'avantage fiscal accordé depuis longtemps au diesel pour les flottes de véhicules professionnel sera étendu à l'essence, une déduction de 80% de la TVA. Ça prendra 2 ans pour aligner l'essence sur le diesel, annonce faite ce matin sur France 2 par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Nous allons donner à l'essence le même avantage dont bénéficie le diesel. On ne va pas retirer un avantage au diesel pour tenir compte de la place de l'industrie du diesel, pour lui donner le temps de cette mutation vers les transports propres, mais il n'y a aucune raison que l'essence ait un désavantage. La possibilité pour les entreprises de déduire la TVA sur le gasoil aujourd'hui pour les véhicules d'entreprise. Un artisan, par exemple, qui a beaucoup de déplacements, peut déduire la TVA sur un véhicule diesel et pas sur l'essence. Et bien, on donne le même avantage à l'essence. Et bien évidemment, ce que j'encourage en plus, c'est le recours aux véhicules électriques, puisque là, il n'y a pas même plus besoin d'acheter du carburant. Ségolène Royal ce matin sur France 2. 3 départements du Sud-Est sont donc en état d'alerte face aux intempéries. Une alerte orange de Météo France aux inondations dans l'Aude. Pour les vents violents dans les Bouches-du-Rhône, ils vont souffler jusqu'à 100 km/h. Mais c'est l'Hérault qui concentre les inquiétudes. Alerte aux pluies, aux inondations et aussi pour le littoral, aux vagues et à la submersion. On redoute 3 à 4 mois de pluie en seulement 36 heures. L'alerte court au moins jusqu'à demain matin avec un phénomène qui s'annonce exceptionnel. À Montpellier pour France Info, Stéphane Iglesis. Les premières conséquences de ces pluies, ce sont des routes fermées, notamment les départementales 61 et 18 dans l'Hérault, du côté de Marseillan, Maubio et Florensac. Les pluies touchent essentiellement les 15 km de bande littorale du côté de l'étang de Thau, par exemple, et 20 km à l'intérieur des terres dans l'Hérault. C'est à Narbonne dans l'Aude qu'il y a eu pour l'instant cette nuit le plus de pluie, avec 80 mm d'eau et par mètre carré par endroit. Sur le littoral, ce qui inquiète Météo France, ce sont ces vents violents qui vont faire monter le niveau de la mer et empêcher l'écoulement normal des fleuves. Ce sera notamment le cas du côté d'Aubagne, avec des vents compris entre 80 et 110 km/h, prédicte la filiale risque de Météo France basée à Montpellier, prévoit 2 salves plus intenses en fin d'après-midi d'abord et surtout demain matin, avec des sols gorgés d'eau. De nombreux équipements municipaux ou éducatifs sont fermés, c'est le cas à Béziers et Montpellier, notamment des crèches et des haltes-garderies, des parcs et jardins, des marchés, et aussi 2 universités montpelliéraines, celles de lettres et de sciences, sans oublier pour l'ensemble de l'Hérault, les écoles, collèges et lycées, avec des transports scolaires qui sont supprimés. Les pouvoirs publics veulent éviter aujourd'hui tout déplacement inutile sur la zone des intempéries. Montpellier, Stéphanie Iglesis, France Info. Et vigilance aussi dans l'ouest du Gard, qui n'est pas en état d'alerte, mais avec quelques restrictions là aussi pour les transports routiers. Ils seront 7 ce soir sur le plateau télé pour le premier débat de la primaire à droite. Et selon un sondage Odoxa pour France Info, les Français sont tout sauf indifférents. 1/3 des sondés ont envie de regarder le débat et surtout les 2/3 des électeurs potentiels de cette primaire. En revanche, l'identité, l'un des grands thèmes de la campagne à droite pour l'instant, fait un flop total. Yannick Falt. C'est l'alpha et l'oméga de la primaire, mais tout sauf une priorité, l'identité est même la dernière préoccupation des Français. 4% seulement veulent que le sujet soit abordé ce soir. Ils sont 41% à placer le chômage en tête de liste. Des chiffres similaires pour ceux qui veulent voter à la primaire. L'emploi, enjeu numéro 1 donc, devant la lutte contre le terrorisme, l'immigration, le pouvoir d'achat et la fiscalité. Viennent ensuite l'éducation, la lutte contre la délinquance, l'environnement et la santé. L'identité reléguée en queue de peloton, c'est même le cas pour les sympathisants FN. Seule différence, l'immigration est leur première préoccupation, largement devant la lutte antiterroriste et le chômage. L'emploi, dont les candidats ont donc tout intérêt à parler s'ils veulent convaincre, car le débat de ce soir n'est pas anodin. Selon ce sondage Odoxa, près de 2/3 des électeurs potentiels de la primaire pense qu'il aura un impact sur les intentions de vote. Un sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif 1 millier de Français interrogés par Internet hier et avant-hier. Ça va durer 2 heures ce soir à partir de 21h. Édition spéciale sur France Info dans la foulée du débat de 23h à minuit. Le grand débrief politique avec autour de Yael Gauze, Jean-Michel Apathy et le service politique. Et bien sûr, les réactions de leurs invités. La lâcheté des juges et des procureurs qui se planquent et qui jouent les vertueux. Ces propos de François Hollande sont rapportés dans le livre qui paraît aujourd'hui. Un président ne devrait pas dire ça. Des propos qui indignent la magistrature. Les 2 plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire en France, le premier président et le procureur général près de la Cour de cassation, se sont invités à l'Élysée. Ils ont été reçus à 20h hier soir. Ils sont sortis seulement 20 minutes plus tard sans faire aucune déclaration. Une mise en garde maintenant contre les abus des assurances obsèques. Vous pensez épargner pour vos proches pour leur éviter d'avoir à payer au moment de vos obsèques. On en signe 500 000 chaque année en France de ces assurances. Mais l'association 60 millions de consommateurs épingle les pratiques abusives ou trompeuses des 8 poids lourds du secteur. La rédactrice en chef des hors-série de 60 millions de consommateurs, Adeline Trégouette, est on ne peut plus clair. Je vais être très clair, on ne prend pas une assurance obsèque. Ce n'est pas une bonne affaire financière. En moyenne, les assurés versent 4 815 euros. Le bénéficiaire, au bout de 23 ans, en moyenne, va recevoir 20% de moins que les sommes injectées dans ce contrat d'assurance obsèque. Ça s'explique par le fait que les assureurs ne revalorisent pas le capital accumulé sur ces contrats d'obsèque. Comme l'argent n'est pas revalorisé, qu'est-ce qui va se passer au bout de 40 ans? Évidemment, les prix augmentent et donc il n'est pas certain du tout que le capital qui sera reversé aux bénéficiaires suffira à couvrir les frais d'obsèques. Sauf si vous faites un pari sur votre propre mort, vous serez gagnant uniquement si vous mourrez très tôt, entre 1 à 3 années après la souscription du contrat, sachant qu'il y a des délais de carence. Bon, on a bien compris, il ne faut pas mourir trop tard, mais pas trop tôt non plus. Exactement, c'est terrible. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Des conseils à retrouver dans le hors-série de 60 millions de consommateurs. Ça s'appelle Héritage et Succession et c'est publié aujourd'hui. Le Syrien soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat dans un aéroport à Berlin s'est suicidé dans l'hôpital de la prison de Leipzig. Il avait été arrêté lundi après une chasse à l'homme de 48 heures en Allemagne. Et puis la fin de la saison des Nobel avec aujourd'hui la littérature. On sera fixé tout à l'heure à 13h. Vous écoutez France Info et pour l'instant il est 9h07. C'est l'heure des audiences télé avec... 11h08 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Bon, aujourd'hui, il fait plutôt beau, mais il faut reconnaître que quand même, les nuages par rapport à hier se sont réveillés et ils se développent assez rapidement. Au fil des heures, le ciel va devenir très nuageux. Le long des pentes du sud, du nord, du nord-est. Et puis, au début d'après-midi, eh bien, les nuages vont gagner l'ensemble des hauts. Du coup, avec cette couverture nuageuse qui est plus importante, eh bien, les températures maxi, elles sont plus basses que la veille. Mais elles restent quand même dans les normales saisonnières. 20 degrés autour du volcan, 22 à 23 dans les cirques, 25 à 26 le long du littoral ouest, 27 à 28 sur la côte est. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. On parle du bien-être, de la forme, du sport, de l'équilibre alimentaire avec notre nutritionniste Fridor Funte et Nicolas Sioulon qui est coach sportif. Vos questions 02 62 99 2000, vos SMS au 70 2000 concernant votre forme, votre façon de manger, faire du sport, quelle fréquence, on en parle dans quelques instants sur la première. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Juste après George Duck sur la première. Oh, George Duke sur la première. Il est 11h14. On continue les experts. Encore un quart d'heure pour parler de votre santé, de votre bien-être, de votre forme. Vous avez envie de vous mettre au sport, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Ça commence par un coup de fil au 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Fridor Funte est nutritionniste, il répond à vos questions. Nicolas Sioulon, il est coach sportif, il peut aussi vous aider. 99 2000 par SMS 70 2000. Fridor Funte, tout à l'heure, on était en train de se dire que c'est dommage de s'intéresser à sa santé, de s'intéresser à sa façon de manger. Quand il y a un souci, quand on nous trouve un diabète, quand on a l'impression, tiens, il gagne plus, monte deux escaliers sans être essoufflé. Et pourtant, vous nous disiez tout à l'heure, il y a des petites alertes, il faut savoir écouter un peu son corps. On peut avoir quoi, quelques sonnettes d'alarme qui sont tirées par le corps, il faut juste savoir les reconnaître ? Oui, complètement. Comme quoi, par exemple, quand vous manquez de vitalité, quand vous manquez de tonus, parce que on est quand même, comment dirais-je, outillé pour avoir un bien-être autant fait que se peut. Quand c'est bien-être, en fait, on a le sentiment de traîner la patte, de traîner la savate, de ne pas être dans son assiette. En fait, il faut déjà s'interroger sur les trois piliers que sont l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Et en général, l'un de ces trois piliers, en fait, fait défaut. Et souvent, ce qu'on va ressentir n'est que l'expression de ce défaut-là. Et là, il faut réagir. Il faut réagir avec courage, en fait, et surtout détermination, parce qu'autrement, ben, ça ne peut que s'empirer. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, effectivement, laissent la situation s'empirer et se réveillent quand c'est déjà un peu tard, en fait. Voilà, et c'est souvent qu'après, quand on se réveille, ben, y a plus de boulot pour essayer de remettre les choses. Et c'est quand même plus facile, on va dire, s'il y a un kilo qui s'est installé, de le perdre, que de vouloir en perdre 5 ou 10 après. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il y a vraiment une prise en main de son corps et de sa santé qui demande une vigilance, en fait, et une réaction lorsqu'on a le sentiment que c'est en train de nous échapper. Et pourtant, dans l'image populaire, on se dit, bah tiens, je vieillis un peu, je grossis, c'est normal, non ? Ça ne devrait pas être normal, comme je le dis toujours. Il n'y a pas de raison, en fait. Ben non, parce que nous, un adulte, en fait, dans votre vie d'adulte, vous prenez 10 à 11 kilos, mais pas 20, 25, 30 kilos. Ben non. Nicolas, vous aussi, vous êtes d'accord, ces trois piliers-là, que sont l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. La récupération, oui. Ah oui, complètement. C'est l'équilibre de santé qui est en jeu. Et ces trois piliers, ils sont eux-mêmes décomposés en d'autres piliers. Ouais, c'est ça. Par exemple, l'activité physique, c'est les activités cardio-respiratoires, le renforcement musculaire, les étirements. C'est super important d'agir sur ces trois piliers. Ce sont des facteurs qui sont des facteurs de risque pour la santé, et aussi qui limite l'atteinte des résultats esthétiques. On va continuer de parler de notre santé, de notre bien-être, de notre forme dans un instant. Juste avant, on va aller faire un petit tour du côté de Silaos. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Première. On rejoint Karen tout de suite. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Silaos, l'association des producteurs de lentilles et destination Sud Réunion. Ah, ma fille Karen, on la parle à nous tout à l'heure de farine de lentilles. Ça a déclenché beaucoup de réactions très positives au 70-2000 de Mouniem. Mais ma partie des paquets, ma fille. C'est bien, on a bien raison. Voilà. Alors là, nous les suivons de M. Gontier et nous commençons ensemble avec des petits plants. Néna du thym, néna de la sauge, du romarin, de la menthe fraise. Qu'on mange néna de la goût de fraise. La ciboulette, de l'origan, le petit baume, le géranium rosa. Après, comment avance son stand ? Eh bien, place au bonsaï pays, me dirait le petit bois d'olive, le petit pied d'affouche, le petit pied goyavier en bonsaï. Franchement, elle est juste magnifique. Ça se passe sur son stand. Et après, on en a la prêle, on en a bien sûr ce liquide très connu ici à Sélaos, et nous arrive au grain. Parce que M. Bonté, il est producteur, il me tient une cause avec lui, il me raconte à moi comment il se passe pour qu'il arrive dans le sachet pour que nous acheter à lui. Bonjour M. Bonté, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Alors, vous êtes en train de raconter à moi un petit peu que pour produire les lentilles, pour qu'on ait les lentilles aujourd'hui sous stand, c'est combien de temps? Bah, du semis, il faut la première récolte 4 mois, après donc le temps de faire le séchage, le battage, le triage, la mise en sachet, il faut en 4 mois et demi, 5 mois quoi, donc avant d'arriver là, la petite graine dans le sachet. Ouais. Alors justement, vous en tant que producteur, bah, m'a profité Miko Zeko, est-ce que ici la fin commence à travailler un petit peu dans le bio? Bah moi justement, moi c'est je viens de finir ma formation au mois de septembre. Donc d'ici 2018, le temps de la reconversion, d'ici 2018-2019, on aura de l'antibio à Sélaos. Ah, les contacts débris là. Oui, bah, c'est déjà là cette année, donc j'ai fait pas aucun traitement. Donc c'est pas encore bio parce qu'il faut la certification. Et donc bah, ça va venir petit à petit. C'est plus dur, mais c'est plus sûr. En tout cas, déjà un gros travail pour cette année, pour cette fête de la lentille. Déjà beaucoup moins de traitements. En tout cas, bravo, Monsieur Gontier. Et m'envie de demander à vous aussi, est-ce que les pas trop durs quand même? Si, physiquement les durs. Donc il faut être là du lundi au dimanche. Donc tôt le matin et tard le soir, bah, les oiseaux qui aiment ça aussi. Donc après, bah, il faut surveiller l'arrosage, il faut désherber, il faut bah, être présent sur le champ. Donc bah, de temps en temps, les madames ils reprochent à nous de rester sur le terrain. Vous êtes amoureux de la lentille, vous êtes amoureux d'elle, c'est ça? Non, mais bon, il faut bah, nous planter, il faut essayer de récolter, bah, c'est notre métier, donc il faut en vivre, voilà. Et puis, après m'y arrêter en bête à homme, j'ai envie de demander à vous les dernières affaires. Pourquoi la lentille de Sélaos est aussi unique, je dirais? Bah déjà, donc elle est récoltée à la main, donc plantée sur une île volcanique, donc à Sélaos, donc dans les roches, donc elle puise ses nutriments. Hein, et puis c'est pas une seule variété, c'est une population. Donc c'est un assemblage de graines qui a fait depuis longtemps, vu notre métissage à La Réunion. Donc vu la lentille cultivée un peu partout dans le monde, donc vu notre métissage, donc chacun ramène un petit peu et donc ça fait un brassage et c'est unique au monde. Voilà, la lentille unique au monde, ça se trouve à Sélaos, c'est que M. Gontier vient à Zot bientôt, il est totalement bio et c'est ça les gadgets. Merci beaucoup M. Gontier. Hein. De rien, merci à vous. Merci Karen, à tout à l'heure, avant midi. À tout à l'heure. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Sélaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Fridor Funte qui est nutritionniste, Nicolas Sioulon qui est coach sportif, avec nous encore pendant 9 minutes. Profitez-en, vos questions 99-2000 par SMS, le 06 92 70 2000 où nous avons cette question de Christine qui nous dit qu'elle a 56 ans, qu'elle a arrêté de fumer il y a 6 mois. Bravo Christine. Elle a pris 2 kilos qu'elle n'arrive pas à perdre. Elle précise, tenez-vous bien, qu'elle mange beaucoup de légumes. Elle fait 1h10 de sport tous les jours, 30 minutes de pilates, 40 minutes de marche, donc déjà pas mal, plus au moins 2 heures de marche encore le samedi. Elle pèse 65 kg pour 1m70. Que pouvez-vous me conseiller pour achever perdre donc ces fameux 2 kg? Mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de les perdre? Ah, 1m70 pour 65 kg, bon, on est quand même dans quelque chose de relativement raisonnable. Peut-être qu'elle se dit que c'est ces 2 kg qu'elle a pu prendre là après avoir arrêté de fumer. Oui, c'est possible, c'est possible. Maintenant, après, on sait que lorsqu'on arrête de fumer, souvent il y a au niveau alimentaire une phase de désordre en fait qui s'installe, oui. Parce qu'on a besoin de compenser. On veut du sucre. Et malheureusement, c'est souvent au bénéfice donc du grignotage. Mm-hmm. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà d'être sûr que à ce niveau-là, on ne grignote pas. Et ensuite, structurer donc ces repas autour des 4 repas réguliers que sont le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Mmh. Et puis faire en sorte que, effectivement, dans ces 4 repas, les fruits et légumes soient majoritaires. En n'oubliant pas, bien entendu, la famille des viandes, poissons et œufs qui doivent être aussi présentes. Parce que souvent, il y a une compétition qui s'installe entre la consommation des légumes et des viandes. Mmh. Et malheureusement, on arrive parfois à des situations où on élimine complètement cette famille-là, donc celle des viandes, poissons et œufs. Et ça aussi, ça peut expliquer que le poids ait du mal à baisser. Parce qu'il faut quand même des protéines dans cette affaire-là. Nicolas, que pensez-vous du cas de Christine, 56 ans? Alors, ben, par rapport au sport, j'ai c'est vu... C'est beaucoup, priori, non? C'est pas mal? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, elle fait... tous les jours du pilates, 1h10 de sport tous les jours, 30 minutes de pilates, 40 minutes de marche, et au moins 2 heures de marche encore le samedi. Alors, c'est bien, il y a juste quelque chose par rapport à la marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un exercice. Ça n'est pas un exercice, c'est une activité fondamentale qui va permettre de baisser le cortisol, mais qui ne fera jamais maigrir. C'est quoi le cortisone, là? Le cortisol, c'est l'hormone cortisol. Du stress. Cortisol. Oui. C'est l'hormone du stress, ça permet d'abaisser la marche, mais c'est absolument pas un exercice qui vous fera maigrir. Ah bon? Eh oui. La marche, ôter. Non. Comment ça? Eh non. On m'aurait menti. Même la marche rapide. Bah oui, alors la marche rapide. Madame, par contre, si au lieu de faire une heure, elle fait 20-30 minutes et qu'elle met un peu plus d'intensité dans ce qu'elle fait, elle aura beaucoup plus d'effet que si elle en faisait une heure à une allure modérée faible. Alors, je précise bien, hein, c'est des études, c'est pas moi qui ai inventé, mais c'est des études qui l'ont prouvé. J'en lis beaucoup, énormément. Mmh. Et plus on met d'intensité sur des efforts courts, plus on brûlera de calories pendant et après l'effort. Mais on le voit ça comment en fait? Parce que c'est vrai que les auditeurs peuvent être intéressés à voir comment je sais que je suis dans une activité intense. Alors, c'est-à-dire quelle différence on peut faire entre la marche qui balade qui vraiment comment compte je comme le sais? Parce que c'est ça, physique. C'est intéressant. À l'essoufflement. D'accord. À l'essoufflement. Dans le type d'activité dont je vous parle, hein, c'est de l'entraînement par intervalle, c'est-à-dire qu'on va faire un effort intense qu'on va coupler avec des efforts moins intenses. C'est-à-dire, par exemple, pendant 20 secondes, on va faire un sprint et pendant 20 secondes, on va marcher, par exemple. Donc, on est sur deux efforts qui sont d'intensité totalement différente. Mais il me semble aussi quand l'intensité est forte, finalement, les muscles se contractent. Au niveau abdominal, on a le ventre qui devient... ça se contacte en fait, ça devient comme une pierre, on va dire. C'est ça. Alors, on est dans l'intensité. Dans l'intensité. C'est ça. Alors, ce qu'on peut observer sur ce type d'activité, ils ont comparé des entraînements continus, longs et modérés, des efforts courts et plus intenses. Ils ont observé, par exemple, sur un groupe de 15 femmes en Australie en 2012, des femmes qui avaient fait cet entraînement-là et des femmes qui faisaient un entraînement court. Et les femmes qui avaient fait l'entraînement intense avaient perdu 2,5 kg de masse grasse et avaient gagné en masse maigre, en masse musculaire en fait. Alors c'est pas non plus, c'est pas devenu des bodybuilders, mais je veux dire, les appareils de mesure, ils avaient observé ça. Donc ça veut dire que vous perdez beaucoup plus de graisse en faisant court, intense, vous gagnez du temps. C'est beaucoup plus ludique, c'est moins démotivant plutôt que de faire des entraînements longs. En plus, ces entraînements longs, à long terme, c'est usant, ça ouvre l'appétit, ça augmente les radicaux libres, c'est oxydant. Sauf que ce que vous avez dit au départ quand même est très intéressant, à savoir que quand l'activité physique elle est longue et moins intense en fait, on va juste le stress. Longue. Dur. Parce que la cortisol va être libérée, c'est pas mal ça. Avec une intensité faible, en fait, au niveau du stress. On augmente, on produit beaucoup plus de cortisol. Et là, plus c'est long, plus c'est bon. Pardon ? Plus c'est bon. Non. plus vous êtes sur des entraînements longs, qui durent, plus vous produisez cette hormone cette hormone-là. Alors, on déstresse ou bien on stresse alors? On déstresse. Alors, la marche, je parlais bien de la marche, de l'activité de la marche, c'est une activité fondamentale, parce qu'on a besoin, le corps humain est fait pour marcher, ça permet d'abaisser le cortisol. Mais par contre, si vous comptez, si vous faites du footing à 1h30, 2h, c'est presque contre-productif. Mais souvent, les gens qui ont du poids sont stressés, donc et peut-être de mieux, c'est donc peut-être de partir sur une activité mixte. Comme exactement, vous disiez, exactement. C'est-à-dire de temps en temps une intensité forte pour justement déclencher la perte de la graisse et puis de temps en temps une activité d'intensité modérée pour déstresser quoi. Exactement. Voilà, exactement. Alors, c'est ça. Mais en tout cas, la perte de graisse, si vous faites que des efforts continus et longs, ça peut durer un certain temps. C'est vrai. Et en plus, ça peut décourager. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous avez une question à poser, Laurence. Bonjour, oui, tout à fait. Allez-y. En fait, moi, c'est concernant la femme active qui fait beaucoup de sport, donc en demi-montagne et tout, et qui, au final, lorsqu'on est enceinte, quelles sont les activités qu'on pourrait garder? Alors, on n'a pas tout bien compris, en fait. Ça concerne donc la femme qui... Quoi? Attend un bébé. Qui attend un bébé, d'accord. et qui est très sportive, donc lors de sa grossesse. D'accord, une femme très sportive, elle tombe enceinte, elle veut continuer de garder une activité physique quand même importante, et oui, voulait savoir qu'est-ce qu'on peut continuer à faire. Ouais. Alors Nicolas, question pour vous ça. Femme enceinte sportive d'origine, qui a mis un bébé en route, mais qui veut continuer quand même à faire du sport. Mais a priori, y a pas mal d'activités qu'elles peuvent continuer à faire. Hein. Mm-hmm. Le tout, c'est de la gérer, de voir l'encadrement qu'on lui propose. Mm-hmm. Après, c'est surtout au niveau de la sangle abdominale, il faut éviter certains mouvements. Au niveau du dos, avec un mouvement donné, ça va être compliqué. Voilà, il faut faire ça. Il faut surtout faire attention. Et au niveau des articulations, il faut pas qu'il y ait trop d'impact sur les articulations. Sinon, fait attention au sport aussi où elle risque de chuter, faire des chutes de ce genre de choses. Mais elle peut continuer, par exemple, si elle aime courir, elle peut continuer à faire son jogging. Au début, c'est un peu dur. Hein. Au début, il faut éviter les activités où il y a trop d'impact. Mais après, il y a des femmes qui continuent. Et heureusement d'ailleurs, parce que... Donc voilà, Laurence, mais normalement, il n'y a pas de contre-indication, fais juste attention au fait que maintenant, on n'est plus tout seul. Voilà, au niveau articulaire, au niveau des abdominaux, au niveau du dos. Donc marcher, faire du vélo, nager... La piscine... Le vélo, il y a un risque... ça dépend quel vélo, mais le vélo, il y a un risque de chute quand même. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Donc il faut faire attention à ça. D'accord. Ok. À bientôt, Laurence. À Saint-Joseph, Nathalie est avec nous. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Parlez sans crainte. Oui, en fait, pour parler sans crainte. Quoi, l'arrivée? L'arrivée que moi, j'ai perdu une trentaine de kilos depuis, il y a quelques années déjà. Ouais. Et je faisais beaucoup de sport, donc tout allait plutôt bien. Et depuis un an et demi, parce que je travaille beaucoup, donc je fais moins de sport, voire plus du tout. D'accord. Et donc, selon les dires de mon fils, n'est-ce pas? Mes cuisses ont l'air de gâteau qui dégouline. Oui, oui, oui. Ben oui, donc... c'est pas cool. Comment? C'est pas cool, ça. Ben non, c'est pas cool, mais en même temps, c'est pas faux non plus. Bon. Donc, juste savoir, en sachant que je suis plutôt sportive, c'est-à-dire que j'aime bien courir, mais je cours lentement, donc on me critique beaucoup, mais c'est en fait ce qui m'avait permis de perdre du poids à l'époque. Mmh. Et maintenant, le mot d'ordre, ça serait raffermir. Donc... Et comment faire pour raffermir? C'est plus une idée esthétique, en fait, si j'ose dire. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire à notre auditrice? Alors, Nathalie. Mais quel est votre problème le plus grand? C'est le manque de temps? Alors, le manque de temps aussi, c'est vrai, mais aussi, j'ai perdu, pour des raisons personnelles, la motivation, c'est-à-dire que je suis plutôt dans une phase où je me dis à quoi bon. On n'a pas envie, quoi. Donc alors je sais un petit peu, par exemple, dimanche, je fais un footing, et puis depuis, on est déjà jeudi, il aurait fallu que je fasse un peu de renforcement musculaire. Mais vous ne pouvez pas y aller avec des copines, Nathalie, pour se motiver un peu? Non, je suis plutôt... Alors justement, j'aime pas qu'on me... D'accord. J'aime pas qu'on me coache, j'aime pas qu'on me dise pendant que je suis en train de faire, j'aime pas qu'on soit sur mon dos, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est plus, c'est moins. Voilà. Et puis, il y a ça, alors la motivation. Ouais. Et puis, je reconnais quand même que même si j'aime ça, c'est-à-dire que j'ai découvert ça en 2007 quand j'ai perdu poids et que j'ai renoué avec la pratique sportive, je sais qu'on souffre un peu, mais pendant que j'étais dans cette dynamique-là, ça ne me dérangeait pas de souffrir. Et maintenant, c'est le souvenir de cette souffrance qui me fait rester en retrait. C'est-à-dire que je ne sors jamais de ma zone de confort, ou plus jamais de ma zone de confort. Ah, ça, ce sont des mots qui vont parler à Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Nathalie? La première chose que j'ai à vous dire, il faut agir. Il faut agir. Et pour agir, c'est très simple. Il va falloir vous fixer des objectifs. A priori, si j'ai bien compris, vous donner des exercices, des choses comme ça, ça, vous savez faire. J'ai fait du sport en salle. Mais là, j'allais dans un petit groupe qui était vraiment très dynamique, plusieurs fois par semaine. Mais c'est bien qu'à un moment donné, je faisais du sport tous les jours. C'est ça. Donc, voilà. Et donc maintenant, vous avez du mal à vous y remettre. Bah, l'idée, voilà. L'idée, c'est d'agir. Pour ça, la première chose à faire, bah, c'est de se fixer un objectif. Oui. Objectif quoi ? Temps, poids, activité, ça peut être un objectif de poids, ça peut être un objectif de perdre en tour de taille, ça peut être tout simplement... ça serait quoi votre objectif à vous ? Alors, mon objectif, ça serait... Alors, c'est vrai que j'ai repris 3 petits kilos, vraiment, c'est rien, je sais, par rapport à tout ce que j'ai perdu. Donc déjà, j'aurais voulu reperdre ces 3 kilos. Et oui. Honnêtement, j'aimerais récupérer, parce que j'avais ça il y a 4 ans... Ben, des cuisses qui ont l'air un peu fermes. Et là, c'est vrai qu'elles dégoulinent, c'est vrai. Alors, voilà, les bras, alors n'en parlons pas. Oh là là, n'en parlons pas. Ben alors... Vous avez votre objectif. Maintenant, fixez-vous une date butoir à laquelle vous voulez l'atteindre. Oui. 3 kilos, un mois. Ah oui, bon, bien sûr. Oui, ça, facile. Oui, non, mais je vous dis ça au hasard. Hein. Non, mais c'est possible ou pas? Vraiment, parce qu'au niveau de l'équilibre alimentaire, bon, je déconne pas plus trop, quoi, hein, mais je veux dire, bon... Alors, effectivement, on a votre objectif, votre date butoir, mais il va falloir vous fixer des micro-objectifs, parce qu'a priori, l'alimentation n'est pas un souci, mais c'est l'activité physique. Donc, l'idée, c'est de vous fixer sur cette date butoir des micro-objectifs semaine par semaine. Cette semaine, je me tiens pendant 3 semaines, je me tiens à 3 fois l'activité physique par semaine, par exemple. Vous fixez ces micro-objectifs là et de les tenir et de faire le point au bout de ces 3 semaines. Ce que je vous conseille de faire, notez-le dans un agenda. Notez votre planning d'activité physique dans l'agenda, planifiez-le. Comme ça, on avant, peut pas après couper, le travail, au milieu, je sais pas. Et vous y tenez. À partir du moment où vous avez, où vous planifiez, si vous savez quoi faire en termes d'activité physique et en termes de nutrition, c'est juste une méthodologie à mettre en place et qui marche très bien. Nathalie, on arrive en fin d'émission, malheureusement. Mais si, ma chérie. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous avez fixé votre objectif, on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Ah ben oui, pourquoi pas. On d'accord, on va garder votre numéro de téléphone, voir si vous avez tout bien suivi. Ah ben ça me va, ah, c'est cool ça, très très bien. Super, merci. Et vous avez noté, hein, 3 kilos en un mois, c'est tout à fait possible et raisonnable. Très très bien, et ben alors. Ah ben voilà. Bonne journée à tous. Allez, merci beaucoup Nathalie. Messieurs, c'est l'heure de nous dire au revoir. Un dernier mot si vous avez envie de revenir sur quelque chose, ce qui a été dit depuis le début de cette émission. Fridor ? Ouais, moi je dirais simplement que n'oublions pas que la diversité alimentaire est finalement synonyme de bonne alimentation. Et dans cette diversité, n'oublions pas la famille des fruits et légumes frais, locaux et de saison surtout. Et Dieu sait que sur marché forain, mon Dieu, il y en a de quoi faire. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Nicolas, notre coach sportif. Moi, je dirais que l'activité physique, c'est pas que pour perdre du poids. C'est une activité préventive des maladies cardiovasculaires, osseuses, des maladies en général. Donc, n'attendez pas d'avoir trop de poids, d'être malade pour en faire. Ça doit faire partie de votre vie, ça fait partie de votre équilibre. Voilà, et on l'a dit un petit peu comme pour Nathalie, on se fixe des objectifs. On les tient, que ce soit de poids ou de fréquence d'activité dans la semaine. On le note, comme ça, ça doit faire partie d'un rendez-vous qui est obligatoire. On y va, on se bouge et on y arrive. Et on fait le point. Voilà. C'est ce qu'on appelle prendre soin de soi. Voilà. C'est ça, c'est important et ça passe aussi par là. Merci beaucoup, messieurs. Et si vous avez envie de retrouver des compléments d'information, eh bien, n'hésitez pas. Tous les renseignements concernant l'émission d'aujourd'hui sur la page Facebook Les Experts. Vous savez tout, on se bouge. Alors, ça peut aussi passer par la danse, comme sur ce titre de Ségaël, Étoile Séga, sur la première. Nous crie.

Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Allez, on vous emmène à la fête tout de suite. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Et Talola, elle est avec Monsieur Gontier ce coup-ci, Karen, et avec Guylaine. Karen ? Exactement, Isabelle, je suis avec Guylaine. On est à la fête de la lentille, mais c'est aussi la fête du terroir et des métiers d'art, parce que là, maintenant, je me trouve dans l'archipel des métiers d'art, et qui fête aussi la lentille. Et la lentille, ça se fête aussi avec des bijoux au naturel, puisque c'est avec la cire d'abeille. Bonjour, Guylaine. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien? Très, très bien. Il fait un temps magnifique, donc comment ne pas aller bien? Il fait super beau dans les sables de Cilaos. Guylaine, à Aou, les spécialistes des bijoux en cire d'abeille, est-ce que la fin arrive à Aou de recréer des lentilles avec? Eh bien, écoute, ce sera ma grande première parce que je suis en train de faire des broches en lentilles. Alors, saucisse aux lentilles. Ouais. Sérieux? Oh, oui. Alors, des petits lentilles donc avec de la cire marron et une petite saucisse noire. Alors, ça va être trop mignon, ça. Et c'est pour bientôt, j'ai tapé dans le mille. Exactement. Donc, je suis en pleine fabrication, là. Donc, ça va sortir bientôt. D'ici demain, je les aurai. Bon, ok, bon, ben, demain, on y fera un tour, hein, pour prendre une photo pour nos chers auditeurs. Sinon, ça présente à nous un petit peu, ce que vous faites, là. Alors, mes bijoux, donc, comme on est apiculteur dans la famille, je récupère directement la cire après la mielée, donc après avoir extrait le miel des cadres. J'enlève les impuretés dans la cire, bien sûr. Et ensuite, je mets de la couleur. Avec mes petits doigts bien chauds, parce qu'il faut malaxer la cire, je fabrique mes petites breloques. Et une fois que je redépose, la cire redurcit. Et là, on peut percer et monter en bijoux. Et je peux faire tout ce que je veux avec, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et de toutes les couleurs. Alors, étant à Cilaos, on sait bien que la lentille est à l'honneur, également la broderie. Est-ce que tout ça y inspire à vous un petit peu? Ah oui, bien sûr, parce que là, tout est fait main. Donc, du coup, oui, là, les couleurs de la broderie se mêlent aux couleurs de tout ce que fait tout le monde, et le miel et tout ça. Donc, forcément, j'ai de l'inspiration un peu partout. Eh bien, chez Guylaine, il faut venir. Elle se trouve à l'archipel des métiers d'art. Et franchement, venez-y, vous allez faire votre bonheur. Elle se trouve à l'étage. Et demain justement, vous pourrez voir sa nouvelle création avec les petites graines lentilles. Saucisse lentilles marmaille, c'est rien que tout autre. C'est exclusivité. La petite lentille à Cilaos, c'est avec Guylaine. Merci beaucoup, Karen. La fête de la lentille est une organisation de la ville de Cilaos, l'association des producteurs de lentilles et Destination Sud Réunion. Mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Si tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Quand mon ami m'as-tu planté un couteau dans le dos? Hey, mas Amigo, amigo, dis-moi que t'es réglo. Si je ne le suis pas, que Dieu me jette dans le fuego. Alors dis-moi tout et soigne ma parano. Je l'ai aimé hier soir avant que tu lui mettes l'anneau. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux. Notre amitié m'est plus chère que ses bons yeux. Laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Soprano et Kenji Girac sur la première. Première. Il est 11h52, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Conto Alfred. Monsieur Conto Alfred, dit Fredo. Le décès est survenu hier à l'âge de 69 ans. Un recueillement se tient actuellement à son domicile 11 chemin des Muguets à Villers, à Saint-Gilles-Léo. La bénédiction aura lieu demain vendredi à 15h30 en l'église Sainte-Thérèse d'Avila à la Saline-Léo, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Morel Benjamin Henry. Monsieur Morel Benjamin Henry, originaire de Saint-Joseph, le décès est survenu mardi, à l'âge de 62 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima demain, vendredi. La bénédiction aura lieu en l'église de Vincendeau à 13h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Vincendeau. Décès de Monsieur Lyon Cao Léonard. Monsieur Lyon Cao Léonard, dit René. Le décès survenu aujourd'hui à l'âge de 84 ans à l'hôpital de Saint-Benoît. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Marie-Louise née Laurette Marie-Irma. Madame Marie-Louise née Laurette Marie-Irma. Le décès survenu hier à l'âge de 94 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 20 impasse Tréport, chemin Clermont, le Ruisseau, à Bois-de-Neuf-Saint-Paul, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame de la Visitation à Bois-de-Neuf à 16h, suivie de l'inhumation cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Verbard Bernard Gislain. Monsieur Verbard Bernard Gislain, dit Lélin, le décès survenu hier à l'âge de 73 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au numéro 50, chemin du Père Lafrite à l'Ermitage Les Bains, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en la chapelle de la médaille miraculeuse de l'Ermitage Les Bains à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-les-Bains. Décès de Monsieur Paoletti Pierre-Philippe. Monsieur Paoletti Pierre-Philippe, ma sœur kinésithérapeute, le décès est survenu hier à l'âge de 57 ans. La veillée aura lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu demain, vendredi, ainsi que la crémation au centre funéraire de Prima. Décès de Madame Gazmont née Odite Léona. Madame Gazmont née Odite Léona. Le décès survenu hier à l'âge de 96 ans. La veillée a lieu au centre funéraire du Sud. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Kessre, Juliette Marie-Renée. Madame Kessre, Juliette Marie-Renée. Le décès survenu dimanche à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire du Sud à 15h30 aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église du Bon Pasteur à Ravine Blanche à 16h, suivie d'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques infos pratiques. Notez qu'en raison de travaux de réhabilitation du réservoir cratère, c'est un communiqué de la CISE Réunion, bien des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du secteur cratère pendant toute la durée du chantier, prévu jusqu'à demain vendredi 14 octobre. Voilà, vous pouvez suivre l'évolution de ces informations sur le site www.cise-reunion.re. Notez également que l'établissement français du sang vous informe de sa prochaine campagne étudiante de don du sang au campus universitaire du Tampon depuis mercredi jusqu'à demain. Donc voilà, rendez-vous de 10h à 14h au campus du Tampon. À 12h15, ne manquez pas, c'est dans l'actu consacré aujourd'hui au Grand Raid autour de Philippe Dernier, bien Jérôme Désiré, consultant, Réunion Première également. Un médecin du sport sera là, Philippe Doineau, Alexandra Klein, qui est quand même première réunionnaise au Grand Raid 2015, présente également. Aussi, un kinésithérapeute qui sera là. On va parler de sport, de posture. Donc voilà, ne manquez pas cette émission. À partir de 12h15, vous pourrez participer à l'émission, bien sûr, au 99-2000. Et puis jusqu'à 14h, c'est Ingrid qui vous accompagne. Bonjour Ingrid. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Ingrid, toutes des gottes, toutes qualités à faire. Oui. Et avant 13h30, ça trouve un coussin à l'association pour nous. Et j'ai trouvé à l'association. Disons un tang. L'association de quoi? L'association, rien que le nom, le SECON. Voilà. Le SECON? Le SECON. D'accord. Pour connaître quoi que c'est, si tu veux ou pas adhérer. Ça même. Non, mais peut-être si tu veux adhérer, je ne sais pas, si tu es membre actif ou je ne sais pas. Ingrid propose, si tu disposes. Voilà. Avant 1h30. C'est promis, vous saurez plus. Ça merci même. Ingrid. De rien, Isabelle. À demain. Bisous. Turn cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Le duo Sting, Eric Clapton sur la première, It's Probably Me. Bon appétit, si vous passez à table, il est midi. Le journal vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Polémique autour de la finale de la Coupe régionale de France qui opposera le 23 octobre prochain deux clubs du Sud, Saint-Pierre et Saint-Joseph. Le match doit se jouer dans le Nord, à Saint-Denis. Décision de la Ligue, mais les supporters et les deux clubs ne l'entendent pas de cette oreille et les politiques du Sud s'en mêlent aussi. Cette question maintenant, y a-t-il un problème avec la prise en charge des détenus radicalisés dans les prisons réunionnaises? Pour le syndicat UFAPUNSA, la réponse est oui, mais d'après FO Pénitentiaire, c'est a priori un faux problème. Le départ du Grand Raid sera donné dans une semaine exactement et tout est prêt selon les organisateurs. Nous entendrons le responsable des bénévoles. Et puis juste après ce journal, l'émission C'est dans l'actu sera consacrée aux petits et aux gros bobos des coureurs. Nous attendons vos questions et vos réactions. Bienvenue sur Réunion Première. Mais avant de développer ces titres, deux informations en bref. Au vu de la diminution de l'activité volcanique depuis la dernière éruption du Piton de la Fournaise, le préfet